Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui fait fleurir les cerisiers. Moi, c'est Hugo, je suis avec Maxime. Hello. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors, avant de commencer cet épisode, tout de suite, on commence par les informations importantes. Annonce. On se retrouvera le jeudi 29 septembre en live le soir sur Twitch pour la nouvelle émission spin-off de Fin du Game, émission nommée Maxime Panthéon. Panthéon. C'est Benoît qui a trouvé le nom, pour le coup. Ah oui, c'est vrai que c'est moi. Ouais. Le concept original sur une idée originale de Maxime, un nom de Benoît, et moi je serai là parce que, bah voilà, on m'a dit Hugo, de toute façon on fait chez toi, donc t'es obligé de participer. Bah voilà, ils n'ont pas osé me dire, bon, s'il te plaît, casse-toi, mais voilà, je suis là. Donc tu es désormais le Chief Technical Officer de Fin du Game Corporation. Alors que pas du tout. Donc voilà, bon, une émission que tu as préparée, Maxime, qui va être vachement cool. On espère que vous serez là en live pour nous voir, sachant que ce ne sera pas rediffusé sur les canaux de podcast, hein, ce sera vraiment sur Twitch. C'est une émission qui est pensée pour le live, qui est pensée pour être regardée, pas simplement écoutée. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre le jeudi 29 septembre. De toute façon, si vous nous suivez sur Twitter ou sur Discord, on va vous spammer un petit peu. Hein, on donnera les bons horaires, et bien sûr. Et globalement, bah, allez follow la chaîne Twitch qui est en description, Fin du Game JV. Si nous pouvons faire ce spin-off, c'est grâce à qui ? Mais c'est grâce à nos patriotes, toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. Je rappelle que le lien est dans la description. Vous cliquez, vous sélectionnez l'argent que vous voulez donner à ces trois personnes que vous appréciez, parce qu'on est là, on s'apprécie mutuellement, c'est comme ça. Et voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, vous pouvez soutenir cette émission artisanale qui monte dans les classements malgré le silence des médias. Donc voilà, merci énormément de nous soutenir sur Patreon. On remercie également notre sponsor, le PlayStation Plus. Le PlayStation Plus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est cet abonnement en ligne qui vous permet de profiter de diverses bibliothèques, de diverses ludothèques même, en fonction des paliers que vous sélectionnez. Je rappelle qu'il y a trois paliers, hein, c'est le PlayStation Plus, le PlayStation Plus Extra et le PlayStation Plus Premium. Exactement. Et on va vous faire des petits recos. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans le PlayStation Plus Extra qui pourrait vous intéresser si vous êtes un auditeur ou une auditrice de Fin du Game. Et fan de Okami, est-ce que c'est des petits recos qui ont un lien avec l'épisode d'aujourd'hui ? Évidemment. Bien sûr. Alors, dans les petits recos qui n'ont pas forcément un rapport, même s'il y a quand même ce côté un peu dessin, c'est un épisode dont on va parler dans l'émission. Il y a Chicory qui est apparu, donc ça, vous pouvez en profiter. Je crois que c'est dans l'abonnement extra. Exactement. Ouais. Si vous êtes fanat de Japon et que vous avez envie de vous immerger dans la culture, il y a Ghost of Tsushima. Alors, il y a moins le côté fantastique, mais par contre, vous êtes pur dans l'histoire du Japon. Si vous voulez faire des haïkus, voilà. Si vous voulez suivre des petits renards, vous laissez porter au gré du vent. Et regardez des petites feuilles là qui vont dans la bonne direction à chaque fois. C'est très beau, c'est super. L'homme peut-il peindre aux mille couleurs l'air du vent ? Oui, tout à fait. S.O. Pocahontas. Bref, donc il y a Chicory, Ghost of Tsushima. Je ne sais pas si Ghost, on le fera dans Fin du Game, mais Chicory, ça, c'est le mois prochain. En tout cas, j'y veille. Je pense qu'un jour, tu vois, je le rajouterai discrètement dans la liste pour qu'il remonte. On verra pas, j'ai beaucoup aimé. On doit faire Ghost of Tsushima ? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'était pas mal. Et puis, dans le Premium, toujours dans un style un peu Okami, mais alors pas sur le côté Japon, plutôt sur le côté un peu Zelda-like, on a... Bah, les deux premiers Darksiders qui sont dispo. De toute façon, il y a toute l'offre Darksiders dans les différents abonnements, mais l'offre premium, bah, c'est ce qui vous permet de jouer au classique de la PlayStation. Vous avez l'édition Warmaster, je crois ils avaient appelé, du premier Darksiders, qui est très cool, c'est vraiment du pur Zelda-like. Il y a Darksiders 2, qui est un petit peu plus Diablo-like, mais qui continue de garder voilà, cet esprit action, aventure, puzzle. Si vous aimez pousser des caisses et sauter dessus juste après, c'est exactement ce qu'il vous faut. Le premier Darksiders, moi j'avais vraiment bien aimé à l'époque. C'était cool. C'est un vrai bon Zelda-like avec vraiment tous les codes du truc, et un petit peu aussi un côté... En plus, il y avait des petites surprises, parce que tu avais des petites séquences en cheval, t'avais des petites séquences avec une espèce d'arme façon Gears of War, enfin ils avaient des bonnes idées tu vois. Non, c'était stylé effectivement. Pour rappel, les prix, c'est 59,99€ à l'année pour le PlayStation Plus de base, 99,99€ pour l'extra et 119,99€ pour le premium. Merci évidemment au PlayStation Plus de sponsoriser cette grande aventure qui est Fin du Game. Nous, on va pouvoir commencer donc notre épisode du jour au Camille. On va vous mettre une petite musique, The Sun Rises. Est-ce que c'est le... c'est le titre du menu ou c'est quand c'est que ça se passe ce moment, Maxime, toi qui as fait récemment. Alors, c'est plus. Une des plaines. À quel moment on l'entend la première fois? Je t'avoue que j'ai un doute. C'est ça qui mais... fait Tintin. Bah, Tintin. Ça, c'est le meilleur moment. C'est le vrai moment radiophonique. Vous êtes quand là, ça dans fait votre Tintin, voiture. Tintin, il est 7h du mat, vous êtes dans les bouchons et vous avez Maxime qui fait Tintin, Tintin dans les oreilles. C'est le thème. Il y a le thème d'Amaterasu qu'on entend, tu sais. Mais je sais plus à quel moment exactement on l'entend pour la première fois. De toute façon, vous allez le reconnaître tout de suite. Je suis désolé. Et c'est composé par Ray Kondo, qui est un compositeur de Capcom et qui suivra d'ailleurs pas mal toute l'équipe, un petit peu Clover, Platinum, puisqu'il bossera notamment sur Bayonetta. On se retrouve donc juste après ça. Alors, Okami, c'est sorti le 20 avril 2006 sur PlayStation 2. Ça, c'est la sortie au Japon, puisque nous, en Europe, il faudra attendre février 2007 pour que ça sorte aussi sur PlayStation 2. En 2008, c'est sorti sur Wii. Et puis après, c'est sorti un peu partout, sous une version HD. Ce qu'on appelle la règle du frigo. On fait que des jeux comme ça. Ouais, hein, en on a fait GTA, non, mais on a fait Okami. En même temps, Capcom, c'est un peu les spécialistes des ressorties, des remasters, des remakes, etc. Ils sont très forts pour ça. Le jeu est ressorti en version HD, sur ça. Tous les supports. C'est celle à laquelle j'avais joué. Moi, j'avais joué sur PlayStation 3, je pense que c'était en 2015, parce que c'est tous ces périodes début GND que j'ai dû y jouer. Ouais. Toi, Benoît, tu y avais joué à l'époque? Oui, alors je l'avais récupéré sur Wii, sur Play 2 d'abord. Je l'avais commencé, je l'avais terminé sur Wii et je l'ai refait là sur Switch. Et d'ailleurs, la version Switch, il y a le tactile, ce qui, je trouve, apporte un petit truc en plus qu'on n'a pas sur le reste. J'ai fait sur Switch aussi. Ouais, c'est une version que je conseille. En plus, ça coûte 20 balles, je crois. Donc, non, vraiment. Et le jeu, il est dispo partout. Hein. Là, vraiment, il est sur PC, vous pouvez y jouer sans problème. Alors, c'est évidemment édité par Capcom, on l'a dit, c'est développé par Clover Studio. Et Clover, on en avait déjà un petit peu parlé, puisqu'on avait fait un épisode sur Vanquish. Platinum. Et Platinum Games, est né des cendres de Clover. Tu as vu un petit peu le Mais quand même, pour rappel, Clover Studio, c'était cette succursale qui avait été montée au sein de Capcom par Shinji Mikami. Shinji Mikami, le papa de Resident Evil, qui fera aussi Resident Evil 4, etc. Et qui, à peu après Resident Evil 4, a eu droit finalement à sa petite antenne pour pouvoir faire ses petites créations. Et sa petite création, ce sera notamment God Hand, qui fera avec Clover. Mais il avait emmené avec lui son disciple. Exactement, Hideki Kamiya, et c'est lui notamment qui fera Beautiful Joe, c'est le premier jeu de Clover, et puis il y aura Okami. Alors on va revenir justement sur la carrière de Kamiya. C'est un vrai fan de JV, lui il a toujours kiffé ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait des si on pense par exemple, à Kojima, lui était fan de ciné, et puis après il a fait du JV. Lui, Kamiya, il aimait les jeux vidéo, il aimait le shoot 'em up, et en 94, il a envoyé des ébauches de projets chez Capcom, et Capcom, ils ont dit oui, très bien, vous pouvez venir bosser avec nous. Et sur quoi il a commencé à bosser? Et directement sous les ordres de Shinji Mikami, puisqu'ils ont bossé sur le premier Resident Evil. Voilà, ni plus ni moins. Donc tout de suite, il est rentré... Bon début de carrière, quoi. Dans la cour des grands. Biohazard, direct. Et exactement, Biohazard, c'est vrai que ça s'appelle comme ça en japonais. Voilà, Shinji Mikami, qui était déjà un peu une star, quand même, chez Capcom à l'époque. Donc voilà, Camilla qui commence sa carrière comme ça, et ça commence tellement bien que dès Resident Evil 2, Mikami dit « Ce mec-là, là, le mec qui a débarqué, qui a envoyé les projets, bah c'est lui qui fera le deuxième épisode. Voilà, c'est lui qui va s'occuper de Resident Evil 2. » Et donc Capcom, bah ouais, il donne le feu vert et il donne les rênes de ce deuxième projet à Hideki Kamiya. Pire idée. Voilà. Ce qui va très très très mal se passer parce que, bah voilà, Hideki Kamiya, il aime les jeux d'action, etc. Et en fait, bah, il va essayer de faire un petit peu ça avec Resident Evil 2 et ça va pas du tout plaire, non seulement à Mikami, mais pas non plus à Capcom. Donc ils vont jeter à la poubelle tout ce qu'ils ont fait et il va quand même rester director sur l'épisode 2, mais il sera quand même encadré. Voilà, cette fois-ci, il y a Mikami, et puis ils vont déléguer aussi d'autres tâches, notamment le côté puzzle, etc., à d'autres personnes qui étaient chez Capcom. Donc voilà, il sera director, mais beaucoup plus encadré, beaucoup plus guidé. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Mikami, bah, lui, il va reprendre pour le 3. Ah non, il va pas reprendre pour le, non, pour le 3. Il enchaîne, je crois, avec le 4. En fait, c'est ça, c'est qu'il dit à Camilla, toi, tu fais pas le 3, le 3, on donne encore une autre équipe. Toi, t'embrayes directement sur le 4. Vas-y, let's go, on envoie comme ça. Sachant qu'ils avaient aussi Code Veronica, je crois, qui devait être en parallèle du 3, il me semble. Donc je sais pas vraiment, je connais pas très bien l'histoire de Resident Evil, mais oui, a priori, il enchaîné avec le 4 directement. La chronologie, c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est déjà la machine est enclenchée. Il y a déjà 30 millions de jeux qui sont sortis, au moins. Et donc, rebelote, parce que voilà, Camilla se remet sur Resident Evil 4. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'action, parce que voilà, c'est ce qu'il aime. Et cette fois, ça se passe, c'est stop. Mikami lui dit, ok, ça suffit. Est-ce que t'as compris le. c'est les profs qui te disent, est-ce que t'as compris l'énoncé, la question? On t'a demandé de faire un jeu d'horreur avec des zombies et t'as pas beaucoup de munitions. Pourquoi il a une ton gars. Voilà, c'est pourquoi ça, il fait le ninja, il tire avec deux flingues et il a une épée dans le dos, je comprends pas, c'est pas ce qu'on a dit. Et donc Mikami dit bon bah ok, je vais prendre Resident Evil 4 qui aura quand même un petit peu un virage action, on en a déjà parlé dans cette émission, mais pas au point de ce que voulait faire Camilla, puisque Camilla, ils vont lui dire bon bah ok, tu veux vraiment faire ton jeu d'action, tu vas faire ton jeu d'action, et c'est ce qui deviendra Devil May Cry. Et je pense qu'on avait d'ailleurs déjà raconté ça dans notre épisode aussi sur Devil May Cry 5, très bon épisode. Et aussi je pense l'épisode Resident Evil 2 Remake. Mais de toute façon, moi je me suis rendu compte que cette émission, maintenant pour préparer des épisodes, on peut commencer à réécouter d'anciens épisodes parce que tout se recoupe. On est à l'épisode 85. Très très bonne année. Et voir les différences, du coup, ça se trouve, tu te dis, ah merde, on s'est planté sur celui-là. Il y a des infos qui se trouvent. Après, forcément, on évolue, on grandit, on apprend des choses. Hein, voilà, on mûrit, l'émission mature. Donc voilà, Devil May Cry, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir forcément sur la série. Chose à voir, c'est que dès le deuxième épisode, Camilla il dit non, je veux pas continuer à bosser là-dessus. Et c'est justement à ce moment-là qu'il bossera sur Beautiful Joe. Lui aussi, Beautiful Joe, qui a un beat'em all, hein, mais cette fois-ci, c'est en 2D. On contrôlait cette espèce de Power Ranger avec un petit super-héros là. C'est vraiment un Sentai et il y a tout un délire autour du cinéma. Exactement, et du fait qu'on va pouvoir accélérer le temps, le ralentir, remonter dans le temps, etc. Donc il y avait déjà des petites idées intéressantes. Et c'est à ce moment-là, du coup, que naît Clover Studio, c'est pour Beautiful Joe, et ensuite ils vont embrayer sur Okami, et par la suite, juste on pourra le rappeler, du coup après Okami, qu'est-ce qui se passera? Il se passera notamment Bayonetta avec Platinum, il va bosser sur Wonderful 101 aussi. T'as joué toi ça, Benoît? Alors oui, bizarrement, étant donné qu'il n'y avait que 4 jeux sur Wii U, tu vois, c'est vrai, sorti sur Wii U, je l'avais emprunté au magasin pour voir à quoi ça ressemblait. Bon, c'est pas grand chose à en raconter plus que et ça. Et puis Bayo 2, ouais, sachant que si je dis pas de bêtises, il a été director donc aussi sur Bayonetta Wonderful 101. Après, il va participer en tant que consultant ou quoi. Donc, tu l'as dit sur Bayo 2. Il a été quand même director sur Scalebound, qui était censé être une exclue Microsoft et qui a été annulée. Et ça faisait longtemps. Il y avait déjà des trailers, mais qui étaient bien avancés. Ouais. Je pense que ça faisait peut-être 4 ans que le jeu était en développement. De toute façon, c'était un jeu qui. Enfin, là, pour le coup, ça fait partie de ces rares projets qui sont vraiment annulés alors qu'on les a déjà vus, ils sont déjà présentés, etc. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de projets qui sont annulés et personne n'est au courant parce que. Bah, justement, c'est pour ça que. Enfin, je fais une micro-parenthèse, mais le fait que tous les développeurs ils aient peur, comme ça, tu sais, des leaks et du fait de donner trop tôt des informations, c'est pas ce qui peut se passer à tout moment à Scalebound. C'est pas très choquant. Ubisoft, ils kill entre 10 et 15 projets par an, tout le temps. C'est pas grave. Mais comme tu as dit, Scalebound, l'exception, c'est qu'on avait, on avait dû le voir des E3 ou des trucs comme ça. C'est pas qu'on avait une date de sortie, mais voilà, c'était prévu comme. En plus, ça comme avait l'air sympa. Moi, je me souviens de ce type-là qui donnait des grands coups à des dragons. C'était une espèce de Dante, mais contre des dragons. Voilà. Est-ce qu'on jouer autre chose. Non, de Camilla. Bon, bah voilà. On demande rien de plus. Et puis il a bossé bah, du coup voilà. sur les autres jeux. Et puis peut-être un peu sur. On n'a pas checké, mais Bayonetta 3, peut-être qu'il a. Enfin, j'imagine qu'il a quand même un petit peu supervisé le Oui, truc, ou peut-être le. Je crois qu'il est au scénar, peut-être un truc comme ça. Mais après, il y a des. La partie importante de Bayonetta. Mais après, t'as des titres un peu larges. Le design des lunettes des personnages. Parce qu'il a bossé aussi sur Astral Chain. Et sinon, alors j'en avais jamais entendu parler, mais Sol Cresta. Je sais même pas s'il est sorti chez nous, celui-là. Je sais pas du tout. Ouais. Mais tu sais, ça va être des trucs genre executive producer ou du consulting. Bon, bref. Bref, de toute façon, il est toujours chez Platinum aujourd'hui. Mais pour revenir sur la création d'Okami un peu plus particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que apparemment, ce concept de loup qui se battrait, ça faisait partie des ébauches de projets qu'il avait envoyé à Capcom en fait dès le début. Donc c'était une idée qu'il avait là au fond de sa petite tête. L'idée de base, c'était vraiment un loup qui court dans la nature comme ça et qui fait naître des fleurs en courant, qui va redonner de la verdure, parce que voilà, Camilla, il habitait en ville, donc il avait cette nostalgie de c'est le Kansai, c'est une région, c'est la région où il y a Tokyo, le Kansai, si je dis pas de bêtises. C'est pas un peu la campagne comme ça, le Kansai? Non, en fait, c'est une région, donc t'as différentes régions. Et, bon, bah bref, Kanto, la campagne japonaise. Tous ces trucs comme ça. Voilà, hein. Voilà, c'est ça. C'est à ça, ça te parle, hein, voilà. Si c'est du Pokémon, là. Et donc voilà, c'est ça qui était à l'initiative du projet. Et d'ailleurs, c'est trouvable sur internet. Vous pouvez voir des images de ce loup comme ça qui court dans une prairie et qui fait naître des arbres. Donc voilà, ça c'est l'idée de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait de jouer un animal, ça a été assez stimulant créativement, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Déjà, alors, aujourd'hui... À l'époque, si, pas chez Capcom, ça c'est vrai, mais enfin, je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez de ce petit hérisson bleu qu'on incarnait. Oui, mais on est d'accord que c'était un humanoïde, c'est-à-dire qu'il avait pas un gameplay de hérisson. Non, on allait pas juste boire. Son caca et... Non, mais il y avait pas un gameplay de hérisson, évidemment. Ce que je veux dire. Crash Bandicoot, c'est pas un gameplay de Bandicoot. Ouais, c'est vrai. Il est pas à quatre pattes. Voilà. Non, mais c'était juste pour dire qu'on incarnait des animaux, mais il y avait pas ce côté, on va dire. Animal, en fait. Quatre pattes, etc. Un petit Spiro quand même par-ci ouais, par là. C'était un dragon. Hein. C'est vrai que des Spiro, des dragons comme ça. J'en ai vu aux eaux là. Ouais, violet comme ça. Ouais, pareil. Ils volent pareil. C'est vrai. Donc c'était assez stimulant créativement, surtout pour ces gens-là qui avaient fait des Beautiful Joe, des Dante, donc ils n'avaient pas du tout. C'était un peu différent, et c'est notamment ce qui va les inspirer pour toutes ces petites mimiques qu'a Amaterasu tout au long du jeu, de bailler, de se mettre par terre, de se gratter, de faire tous ces trucs qui donnent un petit cachet comme ça au jeu. Et en fait, j'y pense surtout parce que on a joué à Stray il y a pas longtemps, donc c'est vrai que ça vient juste de sortir. Et c'est vrai qu'on a vachement mis en avant le jeu, parce que voilà, les animations du chat et tout, et pourtant déjà en fait en 2006 il y avait déjà un truc avec un chien et il y avait tout ce ouais, mais voilà, je veux dire, tu vois, internet c'est les chats, c'est pas les loups. Ouais. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais bon. Ouais, mais internet, on est Shinji, réseaux qu'est-ce sociaux. Que t'as fait, monte dans le robot, Shinji. On était prêt réseaux ouais. sociaux là. Il y a quand même eu Goose Game aussi, hein, qu'on peut citer. Oui, c'est vrai, il y avait ça qui était très drôle aussi. Ouais, c'est vrai que c'était pas cartonné auprès du pourquoi du grand public. Enfin, s'il y a des développeurs qui nous écoutent là, vous faites avez nous un jouer petit des animaux. Faites-nous jouer des animaux. Un jeu avec une chenille, un jeu. Ah, j'avais joué à Snake Pass aussi, tu oui. sais, je sais pas, voilà. Tu jouais un serpent, tu t'entortillais, tout. C'était. Bon, c'était pas incroyable, mais ça fonctionnait. Parce qu'il y avait eu les délires, bon, genre Goat Simulator, ou je crois qu'il y avait peut-être Pigeon Simulator, tu vois, des trucs comme Goat ça. Goat Simulator, on joue à chèvre. C'est un autre délire. Les gens, ils dansent à côté là. Très bien, on fait beaucoup de musique pendant cet épisode. Autre truc vraiment, je pense que le truc le plus important à retenir, c'est que du coup, à la base, le jeu devait avoir un style assez réaliste, mais ils n'ont pas pu le faire. Alors, eux, ils le disent, voilà, c'est avec la puissance de la PlayStation 2, ils ne pouvaient pas réaliser leurs ambitions. On peut aussi se dire que, voilà, à l'époque, Clover, c'était pas non plus une méga, méga équipe. Ils avaient peut-être pas les moyens de faire un jeu qui avait vraiment de la gueule et en étant réaliste sur PlayStation 2 à l'époque. Et du coup, ils sont passés sur ce style cel-shading avec un peu ces estampes comme ça. Et tout le monde a très vite adhéré à la DA, à tel point que eh bien, le pinceau céleste qui est la feature signature de ce jeu, eh bien, c'est de ça qu'elle va découler. En fait, ils ont vu la DA, ils se sont dit « Mais attends, ce serait pas mal si les joueurs, on pouvait les faire interagir, eux aussi, faire des petites estampes comme ça sur le jeu. » Ce qui est du world building qui est super malin, entre guillemets, parce que du coup, tu as vraiment ce style dessiné, on te fait dessiner, et en plus, tu peux rajouter des choses toi-même dans le monde, puisque tu vas les dessiner avec le style du jeu, c'est top. Non, puisque ce qui est intéressant, c'est que ça vient d'une contrainte. Du coup, eux, ils n'arrivaient pas avec la PS2 à faire ce qu'ils voulaient faire. Je pense que le côté, ils se sont dit d'abord, on va faire du cel shading, mais ils se sont peut-être dit, dit on veut pas ressembler à Wind Waker, tu vois, ils ont peut-être dit parce qu'il était déjà sorti. Bah ouais, ah oui, 2002. Je crois que c'est 2002 ou 2003. Ah ouais, bah oui, non, c'est vrai que c'était déjà sorti. Parce que Twilight sort. Et oui, c'est vrai. Il sort la même année chez nous. Et du coup, ils ont dû se dire, bah on va faire cel shading, mais du coup avec un style DA quand même qui est assez différente. Hein, on va pas ressembler encore une fois à Zelda. Et du coup, bah le pinceau qui vient en conséquence et tout. Donc c'est intéressant comme enchaînement en fait de bonnes idées quoi. C'est bien le cel shading, moi j'aime bien. Enfin, c'est vrai que je trouve que en plus c'est un truc qui vieillit mais super bien. Ah bah, quand on regarde Wind Waker ou Okami, tu les regardes aujourd'hui, c'est toujours c'est beau en fait parce que ça marche toujours la, bien. La 3D, enfin s'il y a autant de jeux aujourd'hui qui font du low poly typiquement, c'est parce que la 3D qui se veut réaliste, ça vieillit très mal, tu vois. Et Tomb Raider aussi, premier du nom, c'était la folie furieuse quand c'est sorti en 96. Maintenant, c'est pas trop la folie furieuse. En fait, c'est dur de se projeter dans l'avenir parce que tu vois, à chaque fois qu'on passe une étape, on se dit waouh, c'est incroyable comment on fera, tu vois. On disait on en avait parlé avec Mass Effect 2007, ça marque un peu l'année de la HD avec beaucoup de jeux qui arrivent. Et visuellement, 2007, Mass Effect, il envoyait quand même du lourd. Ou le premier Assassin's Creed, tu vois, c'est des gros défauts. Maintenant, tu y rejoues. Alors, c'est pas dégueulasse, loin de là, mais bon, bah non, tu fais plus ça, tu vois. Alors que, effectivement, un Okami ou un Ocarina of Time, non, un Wind Waker, là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Après, tu sais, c'est toujours ce truc, quand tu les as connus à l'époque. Oui. Tu peux pas avoir t'as un regard filtre Instagram ouais, c'est ça, sur les yeux. Exactement, t'as vraiment. Parce que c'est le meilleur jusque-là, tu vois. Ouais. Non, mais même, tu vois, moi, tu me fais rejouer Assassin's Creed premier du nom, je te dirais. Moi, c'est moche, tu vois. Ouais, alors non, que je si le je le montre, je sais pas, à quelqu'un qui a jamais, peut-être, je sais pas, qui a 18 ans, et que je lui montre, c'est dégueulasse. En vrai, le 1, j'ai rematé un bout de let's play du 1 pour revoir un peu, justement, me replonger. Et je trouve que même, effectivement, graphiquement, aujourd'hui, je trouve vraiment pas dégueu. Mais il y a peut-être un effet un peu, tu sais, de flou, de blur, qui maîtrise bien, tu vois. Et après, il y avait une DA et tout. Enfin, bref. Pas de gros débat, mais en tout cas, c'est vrai que le cel shading a vachement bien vieilli, que ce soit sur Okami ou Wind Waker. Le jeu sort, c'est au niveau critique, c'est vraiment, il rafle tout. On est à 93 sur Metacritic, hein, donc c'est quand même vraiment un gros score. En France, le triptyque, c'est 19 sur 20 JVC, 9 sur 10 Gamekult et 10 sur 10 Gameblog. Hein. Ouais, donc mine de rien, à l'époque, ça a vraiment marqué. J'ai plus le. Je crois que c'est Crevette chez Gamekult qui l'a fait. Le test, et ouais, il t'arrive pas d'éloge sur le truc. Et bon, les 9 à l'époque, Gamekult il les lâchait pas comme ça. Hein. Attention, il y avait Pouillot qui veillait au grain avec son petit fichier texte de la juste note. Là, on met pas des 9 sur 10 au jeu. Waouh, il y a des. si on nous écoute, salut à vous. Donc voilà, très très bien reçu. Par contre, sur le côté commercial, et ça, bon, c'est quand même assez connu autour de Camille. C'est un gros four. Bah ouais, c'est un gros. C'est une grosse. Le jeu n'est pas spécialement soutenu, point de vue communication, déjà, d'une part. Et puis on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode, parce qu'on a envie d'en discuter un petit peu de tout ça. Mais voilà, le jeu, il s'est vraiment pas du tout vendu. Il y a ce chiffre qui tourne. On n'a pas. Malheureusement, la source n'est plus dispo, parce que c'était un gaming live de jeuxvideo.com avec Franck et probablement Logan, du coup, j'imagine. On les salue aussi. On les salue au passage. Et qui disait qu'il n'y aurait eu que 10 000 unités vendues en France. En alors France. À l'époque, du coup, c'est que du full physique, il n'y a pas de démat, ce qui est ridicule. Ouais, 10 000, c'est pas grand chose. C'est vraiment. Là, Calogero, il sortait un album, ça se vendait 10 fois plus cher. C'est quoi un vrai Calogero? Je sais pas. Parce que 10 000 ventes, pour moi, c'est des ventes d'albums pas ouf, tu vois, des trucs comme ça. Mais Calogero, c'était bien. Bref, je sais pas pourquoi. Non, mais voilà. Alors, Calogero, face à la merde. Face au public, vas-y, dégueule-nous. Non, mais oui, non, mais vrai, 10 000, c'était. Après, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, on est vraiment dans cette logique de centrale d'achat aussi, parce que Micromania a pignon sur rue. Je parle de la France uniquement. Hein. Je pense qu'à l'époque, ils étaient facilement à 80-85% de parts de marché. S'ils ont décidé de ne pas en acheter auprès de Capcom, tu vois, pour une raison X ou Y, ben, du coup, il n'y en a pas en magasin et du coup, il ne se vendra pas non plus. Tu vois, il y avait aussi ce filtre-là qu'on n'a plus aujourd'hui avec le démat, où en fait, il y a moins d'intermédiaires entre les éditeurs, les développeurs et les gens au et bout de la chaîne. Et puis, un jeu, il peut perdurer beaucoup plus longtemps en fait. Ah oui, maintenant, en démat, tu vois, il y a des soldes. À l'époque, machins, le fonds de catalogue, c'était 3 semaines. Voilà, c'est exactement. Ouais. Ouais. Et c'est le cas pour Camille. On va revenir façon, en détail sur les ventes, oui. La version HD et tout. Exactement. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant, on va vous parler de l'histoire de ce conte onirique dans lequel nous avons pu nous plonger. Maxime, qui est Amaterasu? Alors, ça va être une histoire très résumé, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses, et puis... Plein de rebondissements. Des rebondissements, du voyage dans le temps, et ça, je pense que je vais pas l'aborder, parce que dès qu'il y a du voyage dans le temps, de toute façon, c'est la merde. Ouais, ça devient compliqué. Mais en gros, on incarne donc Amaterasu, qui est la déesse du soleil, et par extension de la nature, de la vie, on reviendra en détail là-dessus, mais au Japon, voilà, c'est une déesse qui a vraiment une importance. Elle est sous forme de loup, parce que Okami, ça veut dire, je crois en japonais, c'est un jeu de mots, en fait. C'est le grand loup, je crois. Alors, c'est deux choses, en fait, c'est un homonyme en fonction de la façon dont tu le prononces, ça peut être genre grande divinité, je crois, ou loup. Donc en fait, il y a un jeu de mots entre divinité et loup. Ce qui me semble, alors mon japonais n'est pas très fort, mais Kami, c'est plus ou moins ce qu'on traduit en français par les divinités, même si le concept n'est pas exact. Et Okami, c'est le nom pour dire loup, tu vois. Et donc je crois qu'avec un certain accent, ils doivent peut-être insister. Et Sekiro ça doit aussi vouloir dire loup, ça ils peuvent avoir aussi. Loup, non, mais voilà, il y a plusieurs mots. Et du coup, on est un loup, et bon, il y a des démons sur Nippon, qui est le nom du coup du pays, de la terre sur laquelle on est. Et voilà, qui il n'est faut... pas le Japon. Ça n'a rien à voir. Et bon, il faut y dégager hein, toutes ces petites saloperies. Il y a beaucoup de brume aussi démoniaque qu'il va falloir virer. Pour ce faire, on est accompagné donc par Isun, une sorte de lilliputien, un petit personnage qui sautille beaucoup sur place. Qui n'est pas une fée, qui parle très peu, hein, je sais pas si vous avez remarqué. On a donc le pinceau céleste, il a été évoqué, qui va nous permettre de créer des choses. On commence notre premier pouvoir, c'est de mettre un soleil tout simplement dans le ciel, mais après on va pouvoir mettre une lune, sinon dans l'eau on pourra mettre des nénuphars, on peut poser des bombes, voilà, plein de petits pouvoirs qu'on va dessiner sur notre écran. Et donc, comme j'ai dit, il y a plein de brume à dissiper. Il faut faire fleurir des arbres. On va battre des boss. On sera dans des donjons. Il y a quand même notamment cette histoire avec Orochi, donc qui est cette espèce de démon dragon qui demande une jeune fille de village, je sais pas, tous les ans ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et ça va être vraiment la première moitié du jeu. En gros, c'est cette histoire-là. C'est le moment où le jeu se dit, tu crois que c'est la fin, et en fait, c'est que le début. Il y a toute cette histoire-là avec Susanoo, hein, l'autre guerrier. Un héritier. Ah oui, l'héritier du guerrier légendaire avec son sabre en bois, il est rigolo. Oui, parce qu'il y a un conte où, comme je dis, je ne vais pas trop revenir en détail, mais 100 ans avant, en fait, ces événements se sont déjà passés avec un loup et un guerrier qui avait déjà battu Orochi, donc le serpent à 8 têtes avec un guerrier, et voilà, 100 ans après, rebelote en gros. Voilà, remalédiction, et du coup, nous, on va renfermer, on va se redébarrasser d'Orochi, mais en fait, il y a quand même une autre source maléfique, encore plus maléfique derrière. Il y a de la brume par-ci, par-là. Ah bah voilà, la brume, c'est chiant. La brume maléfique qui nous tue, il y a des démons, il y a des yokai, c'est des méchants, voilà, il va falloir un petit peu nettoyer cette petite saloperie sur le Nippon. Et on finit par apprendre au bout d'un moment, vraiment à la fin du jeu, que en fait il y avait des divinités qui vivaient sur la lune, qui fuyaient justement le mal, qui se faisaient attaquer par des démons à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Arche Yamato, je crois, qui est une espèce de navire mais un peu en métal, voilà, c'est un mix un peu, oui, navire, on va dire soucoupe volante slash pas, non, pas vraiment, vraiment navire avec des voiles, tu vois, un vrai gros bateau, mais un peu aussi technologique à l'intérieur, donc c'est un mix un peu SF, un peu voilà, poétique divinité, on va dire. Et en fait, dans leur fuite, le navire slash vaisseau s'est écrasé en fait sur le pays. Il y avait déjà des démons à bord, et qui étaient notamment menés par Yami, qui est le gros méchant, le final boss qu'il faudra battre, qui est resté sur le vaisseau pendant que tous les démons se répandaient sur Nippon. Et comme on est trop fort, on défonce Yami, on a sauvé le monde, et voilà. Enfin, Nippon, en tout cas, parce que le monde a été sauvé, mais en tout cas, voilà, tout va bien. Tout a été refleuri, et voilà, il n'y a plus de brume, et c'est bien quand la brume est dissipée. Alors, ce qui est intéressant avec Okami, c'est que c'est un jeu qui mise vraiment sur la culture japonaise. Et en fait, quand on regarde avec un petit peu de recul ce qui se passait, voilà, ce qu'on avait dans le jeu vidéo à cette époque-là, en fait, c'était assez rare de voir des jeux comme ça. Alors oui, il y avait des ninjas, oui, il y avait des samouraïs, cette imagerie-là, on l'avait dans les jeux vidéo. Mais par contre, un jeu qui met vraiment en avant la culture japonaise, les mythes, etc. Tout le folklore, en fait, on l'avait pas tant que ça. Hein, parce que c'est comme tu le dis, le Japon, de toute façon, il est vraiment grosse montée en puissance du Japon dans les années 80, avec Nintendo, Sega, etc. Tous les jeux d'arcade et tout, donc pendant très longtemps, des jeux japonais, on en avait plein, enfin tu vois, tout ce qui est JRPG et tout, voilà, on va pas refaire l'histoire, avec les mangas. Voilà, tout à fait, mais par contre, la partie peut-être plus traditionnelle de l'histoire du Japon, de ce qu'il est réellement au-delà des Power Rangers et des choses comme ça, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de jeux qui se penchaient dessus, alors que pourtant, en Europe typiquement, mais même aux États-Unis, tu vois, le Japon avait la cote, hein, tu vois, c'est déjà à l'époque, les mangas, ça se vend bien, enfin, toute la culture japonaise, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les restos à sushi. Ouais, peut-être, je me souviens pas à ce moment-là, mais... C'est arrivé. Quand est-ce qu'a été votre premier sushi? Voilà, vous nous répondrez sur le Discord. Ça a été vachement tard. Sache-le, voilà, j'avais 20 ans. Ouais, ben oui. Moi, 18, je pense. Ok, merci pour cette anecdote. Ah bah, tu demandes, on fait sondages, on les fait, c'est une émission. Mais voilà, on aura les gens qui nous raconteront. Mais après, oui, sur le côté, on va dire, je sais pas, soft power japonais ou culture japonaise. Donc, déjà, tu as dit jeux vidéo, mais bah oui, manga, Dragon Ball. Et puis, t'as un peu, enfin, ce que j'ai envie d'appeler la seconde vague, c'est un peu mon délire. Mais tu vois, donc c'est en 2007, bah, t'as Naruto, tu vas avoir One Piece. Alors, ça a déjà commencé. En fait, ça c'est depuis la fin. Berserk a commencé. Techniquement, c'est fin des années, je crois, Naruto, c'est fin 90 et One Piece est dans les mêmes eaux. Mais quand ça commence à devenir vraiment populaire en France, je dirais, c'est plutôt 2000. Milieu des années 2000, et t'as des Bleach, t'as des Hunter x Hunter, enfin bref, t'as plein de mangas qui continuent en popularité. Oui, et puis alors après, c'est vrai que dans le jeu vidéo, alors, parce que c'est des choses plus de niche, mais tu vois, il y avait tout le côté avec les jeux de danse, les jeux de rythme, les Dance Dance Revolution, les choses comme ça, donc il y avait quand même quelque chose, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas en fait, effectivement, jeu. Il y avait beaucoup de jeux japonais, ouais, mais pas de jeux qui incarnaient. Qui parlaient vraiment, comme ça du Japon, au-delà, effectivement, comme tu l'as dit, des ninjas, style Shinobi, Tenchu, c'est Shadow Dancer, toute la clique. Et là, du coup, ils reprennent vraiment plein de mythes, de contes, et ils vont vraiment tout mélanger. Il y a notamment, on en a parlé, donc il y a Amaterasu, qui est la déesse du soleil, dans le shintoïsme, qui est un petit peu la religion, entre guillemets, traditionnelle au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne suis pas expert, je ne suis pas un théologien de renom, mais de ce que j'en ai compris, oui, c'est vraiment, on va dire, leur croyance traditionnelle qu'on regroupe sous, on va dire, l'umbrella, comment on dit, le parapluie de shintoïsme, qui est un mélange entre du polythéisme, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs divinités, et de l'animisme, c'est-à-dire qu'on prête aux objets du quotidien le fait qu'ils soient peut-être habité par un esprit, tu vois, l'esprit d'un arbre, l'esprit d'une forêt, d'une rivière, d'un caillou, ce genre de choses. Et c'est notamment là que vient, du coup, le soleil du drapeau du Japon, voilà, le rond rouge qu'on a sur le drapeau moderne. C'est le soleil de Amaterasu, a priori. Et donc, il y a de la religion shintoïste, mais il y a aussi vraiment des mythes, notamment Orochi, qui est ce fameux dragon qu'on va devoir combattre et qu'on va devoir lui faire boire du saké, comme ça, à chacune de ses têtes pour pouvoir le neutraliser un petit peu. Ça t'a plu, hein. Pourquoi ? Ben, je sais pas. Non, mais parce que ce combat-là, je sais qu'il t'avait marqué, parce qu'il est assez fastidieux. Et puis, lequel ton préféré. Voilà, c'est ça. Non, mais parlons-en d'Orochi, parce que bon, c'est que tu le combats trois fois. Non, mais en fait, ça m'a marqué parce que tu sens justement, c'est pas un truc qu'ils ont sorti de leur chapeau comme ça, en fait. Ils reprennent vraiment ce conte-là et ça crée un truc un peu original. Et même en termes de mise en jeu, tu vois, où tu tournes autour de ce truc-là, où il a les petites coupelles comme ça de saké et tu dois lui faire boire le saké avec le pinceau comme ça. Enfin, c'est un truc. Ils sont appropriés en fait des contes et des mythes comme ça, et du coup Orochi, qui était un dragon maléfique alors qu'il vivait dans l'eau, normalement c'était un peu un serpent des mers comme ça, et je crois d'ailleurs il y a une des divinités qui le combattait, enfin c'est ça le conte à la base. Donc il y a ça, il y a aussi Kyuubi, le fameux renard à neuf queues. Ça c'est Naruto, hein, vous le savez. Ça c'est vraiment votre génération, c'est rigolo parce que moi ça me parle moins en fait. Ah ouais, mais moi j'ai vu le renard, du coup j'ai fait ah oui c'est Kyuubi, il est enfermé et tout, Sasuke et tout ça là. Ouais, c'est ça. sans Gohan. Donc, donc il y a ça. Donc voilà, ça c'est effectivement parce que normalement c'est donc des renards à neuf queues. Alors a priori ça n'existe pas, mais c'était normalement un petit animal un peu maléfique, qui s'était immiscé au Japon. Donc c'est ça les fameux Kyuubi. Il y a aussi un autre conte, c'est celui de Isun, donc le petit personnage qui nous accompagne tout le temps, là, qui est une sorte de Navi-like, mais version petite puce, qui vient aussi d'un conte du même nom. C'est une sorte de Tom Pouce, hein. C'est un peu l'équivalent, j'ai regardé sur le Wikipédia. Donc pour me faire confiance, je suis vachement calé. Isun, qui part à l'aventure dans un petit bol de ramen. Du coup, il a un petit bol sur sa tête, tu vois, ouais, le personnage. C'est peut-être ça, la ref, effectivement. Donc, voilà. Et t'as un autre conte aussi, limite, tu le sens en jeu, parce que... un peu en plein milieu du jeu, t'as une quête à faire avec une petite fille d'un mec qui coupe du bambou et elle sent qu'elle n'est pas à sa place ici et tu vas creuser et tu trouves une espèce de vaisseau. Il y a une fusée, je crois que c'est vraiment une fusée. Elle repart sur la lune et c'est un peu... D'accord, ok, ça n'a rien à voir avec la quête principale, mais pourquoi pas, tu vois. Et en fait, oui, ça aussi, c'est un conte, c'est conte de princesse Kaguya. Et tu disais, Benoît, toi, t'as vu une adaptation Ghibli, parce que c'est adapté à leur truc. Ghibli, en fait, on a fait une adaptation en film d'animation, qui est très cool, hein, d'ailleurs. Et ce qui est rigolo, c'est que ça reprend justement un style visuel très... on voit bien les traits, le dessin. Donc ça reprend un petit peu, entre guillemets, ce qu'on peut voir dans Okami. Et c'est ça, c'est l'histoire d'une petite gamine qui a été trouvée par un coupeur de bambou dans un bambou. Voilà, et elle avait des pouvoirs. Et elle fait sa life, quoi. Je vais pas raconter tout le fait d'une animation pour pas vous spoil, mais il est très sympa à regarder. Oui, il faudrait que ça m'a donné envie de le voir, effectivement. Ouais. Et puis, bah, il y a des yokai, il y a des références au kabuki, hein, qui est le théâtre traditionnel comme ça, japonais. Ils font les yo comme ça. On en a fait beaucoup en préparation, donc il fallait quand même que je vous en donne un. Et puis voilà, en fait, c'est un jeu qui va vraiment brasser énormément de références et va les mixer comme ça dans son récit. Et je trouve que ça marche vachement bien. En fait, ça donne un conte qui a justement cette tonalité un peu de conte, d'histoire un peu poétique, c'est un peu empreint de philosophie un peu zen, etc. Tu vois, on fait revivre la nature, on fait fleurir les trucs, et je trouve que ça marche vachement bien. En fait, ça fait passer un moment, et surtout en jeu vidéo, on voyait pas vraiment des trucs équivalents. Quoi. Il y avait pas c'est ce qu'on disait en préparation. Quelques années plus tôt, il y avait eu Shadow of the Colossus qui avait quand même pas mal marqué les esprits, tu vois, sur un côté narration avec un univers très triste, très seul, etc. On a déjà fait un épisode là-dessus, mais c'est vrai que des jeux qui se prêtaient autour de la nature et tout. Bon, on pourrait, tu vois, FF7, il faut sauver le monde, l'énergie macro, tout ça, ouais, mais on n'est pas dans ce même délire, tu vois. Là, on a un impact direct sur ça, dès que, en fait, Materazu, elle se met à courir. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé sympa. Ouais, quand tu sais qu'elle court très, très vite, bah, t'as plus de fleurs qui poussent derrière elle pour indiquer que tu vas de plus en plus vite. C'est la fameuse course Capcom, tu sais, où elle est en trois étapes. Elle court un petit peu doucement. Ensuite, il y a une étape un peu. Si tu continues tout le temps à courir, elle prend une vitesse. Et après, il y a encore une troisième. Il y a le vrai sprint, vitesse, ouais. Et dans Devil May Cry, on a ça aussi. Nier Automata. Et dans Bayo aussi, donc vraiment, ils ont vraiment ce style-là. Camilla, il fait souvent ça avec ses jeux. Et ouais, c'est vrai que c'est magnifique, là, quand elle laisse vraiment une traînée de fleurs. Ouais, je trouvais que ça marchait. En fait, et d'autant plus, tu vois, vibe, une fois que t'as sauvé une région et que du coup, t'as bien libéré les arbres, etc., là, c'est vraiment festival, quoi. Là, c'est vraiment des champs de fleurs que tu rajoutes puis derrière toi. Tu peux nourrir des petits animaux, tu vois, ou des gros animaux, parce que ça va du moineau au tigre, en passant par le cheval ou l'ours, tu vois. Mais ouais, et c'est vraiment des séquences, alors qu'elles sont assez longues, en plus, tu peux passer, hein, mais c'est bien, je pense, entre 30 secondes, une minute, où tu vois juste Amaterasu qui regarde l'animal manger, tu vois, dans sa petite gamelle. Du coup, c'est entouré de fleurs, la caméra elle tourne, t'as une petite musique. Moi, ça me fait penser, enfin, juste sur le terme dans Life is Strange, quand t'es sur les bancs, ils appelaient ça les Zen Sequence. Mm-hmm. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est vraiment les petites séquences zen où tu dis, bah tiens, j'ai nourri un lapin, puis je vais le regarder bouffer. Mais tu sais, il y a un truc comme ça, justement, dans le manga japonais que je connais, tu sais, où ils ont une façon, tu sais, de figer le temps, et tu sais, tu passes de case en case, et t'as l'impression que finalement, t'es dans une espèce de continuité comme ça, de fixette du temps, je sais plus comment ça s'appelle. C'est dans son bouquin, l'art de la bande dessinée de Scott. Voilà, j'en étais à peu près au même. Mais je l'ai pas ramené. On mettra dans les. Scott McCloud, je crois que c'est le nom. Oui, c'est ça, ouais. Et je sais plus, mais c'est une BD sur l'art de faire de la BD. Mmh. Et effectivement, je me souviens, il parle plutôt du côté japonais, avec ce côté tu vas capturer dans des cases. Par exemple, quelqu'un fait de la cuisine, ça peut être un plan sur le légume qui est en train de se faire couper, un plan sur l'eau qui bout, et il y a un côté un peu tu suspends le temps, tu vois l'extérieur et tout. En fait, c'est comparé à occidental où il y a de l'action qui se déplace. Tu vois, t'imagines tout de suite des séquences justement dans des films d'animation, la bouffe, de toute façon, dans les trucs japonais, c'est toujours un grand moment. Tu mets des gifs de la bouffe de Ghibli là où ils sont en train de couper les petites tomates, ils cassent les œufs. Oh là là, je kiffe. Moi, je veux vivre là-dedans. Voilà, je veux vivre dans ça. Et le nom du film m'échappe, mais il y a un film que j'avais regardé qui était incroyable, qui se passe tout autour des ramen, en fait. C'est différentes vies, des histoires un peu d'amour croisées comme ça. Et j'ai oublié le nom, mais ça parle de cuisine et de ramen au cœur du truc. C'était super. Et j'ai retrouvé le nom de la BD, c'est L'art invisible. Voilà, et ben voilà, les refs ont été trouvés, bravo messieurs. Alors il y a tout ce côté poétique et tout qui marche super bien, mais il y a aussi un côté un petit peu décalé, notamment au moment où arrivent les autres Camis. Ouais, parce que donc il y a les Camis, on reviendra en détail là-dessus, mais on va débloquer les pouvoirs au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, ces pouvoirs, c'est des divinités qui se sont réfugiées, qui étaient à bord du vaisseau. Et en fait, je crois que leur esprit s'est caché quelque part. Dans des constellations. Alors il y a des constellations, mais parfois, en fait, il faut les libérer et se retrouvent dans les constellations. Par exemple, juste pour donner un détail sur un côté un peu plus poétique, il y en a un, je sais plus quel animal c'est, ils sont tous représentés par un animal. Et en fait, il s'était caché dans le reflet de la lune sur un lac et il s'est fait dévorer par un poisson, tu vois, il y a un truc comme ça. Et donc c'est une fois que tu pêches le poisson, que tu le tapes, se libère le Camis. Donc déjà, tu as ces petites histoires qui sont sympas. Et effectivement, il y a toujours des petites entrées en scène où tu vois l'animal, il débarque et il parle avec Amaterasu. Et parfois, il y a des entrées en scène qui sont vraiment comiques, tu vois, où il va tomber l'animal, où il y a un mouton ou une brebis qui est bourrée, qui boit l'alcool, qui essaie d'esquiver des trucs qui fonce dessus, qui se les prend tous dans la gueule. Enfin voilà, il y a des moments où tu fais, ok, ils sont partis. c'est des mini-sketchs, c'est un sketch show un peu. Donc il y a des petits sketchs, et puis après, il y a le côté peut-être un peu plus beauf du jeu, notamment avec le fameux personnage d'Isun qui est vraiment, bah, qui est à fond dans tout ce qui est, est boobs et compagnie. Ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment le personnage en fait assez, assez classique, typique de ce qu'on appelle, tu vois, hashtag le Japon. Ouais. C'est le personnage de Tortue Géniale, de Jiraiya dans Naruto. C'est un pervers en fait, parce que du coup, il appelle une des déesses du début, elle l'appelle gros néné tout du long. Il se cache dans son corsage en permanence. Ouais, c'est pas déesse, mais oui, c'est un autre perso. Mais oui, là, persos, voilà. Ouais, et dès qu'il peut, il va faire des réflexions là-dessus. Donc, c'est des trucs. Alors, c'est pas constant, c'est pas un truc qui est vraiment en toile de fond, tu vois. Mm. C'est vraiment des petits moments qui peuvent être un peu crispants. Et ce qui est en fait d'autant plus crispant, c'est parce que Isun, sa voix, elle est insupportable. c'est en fait, tu vois, moi j'ai refait le jeu sur Switch. Il fait des petits borborismes comme ça qui sont horribles. À l'époque, sur Play 2, je me souviens qu'on pouvait pas les passer, donc ça m'avait gonflé de ouf. Sur Switch, on peut aujourd'hui, donc c'est un peu plus digeste. Mais c'est vrai que de l'entendre parler, parce qu'en plus il raconte sa vie, tu vois, il y a ce côté Navi, tu sais, du personnage qui va attirer ton attention sur des choses un peu. C'est un jeu qui est bavard quand même. Ouais, qui est très bavard. Il y a beaucoup, on est vraiment à l'ancienne comme ça, avec des vraies coupures cinématiques où tu joues un tout petit peu re-cinématique, re-cinématique. Alors et ça que dure, on aurait pu. Et ce qui en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il voit qu'Amaterasu se fait chier. Parce que justement, il y a ces fameuses animations où régulièrement Amaterasu, en fait, elle s'en fout, elle écoute pas, elle regarde un papillon, tu vois. Ça, c'est drôle, ça marche bien. Ah ouais. Les persos, ils s'interrompent, ils font bah, qu'est-ce que tu fais? Et Amaterasu, elle baille, quoi. Bah ouais, ouais. Et t'es là, comme bah, nous aussi, ouais, en fait. Nous aussi, tu vois, nous aussi, on s'en fout. Donc, vous auriez pu vous zapper. Mais bon, c'était pas l'époque. C'est vrai qu'à cette période-là, le jeu vidéo devait nous parler beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, le côté gros néné et tout. Oui, non, mais ça, c'est. En fait, c'est long parce que ce perso, en fait, tu la vois souvent, tu la revois, tu lui reparles. Et vraiment, pendant l'intégralité du jeu, il l'appelle gros néné. Et tu sais, il y a un côté un peu. Bah, c'est lourd, en fait. Ouais. Bon. Mais bon, voilà, ça fait partie de ces choses typiquement très, très japonaises qu'on retrouve Capcom, dans Clover jeux. Et compagnie, ils se faisaient partie, ils ont eu toujours un peu un humour comme ça, dans les Resident Evil aussi, oui, c'est toujours un c'est petit la peu même chose, Bayonetta pareil, God End aussi, c'était bien, bien beauf aussi dans son style. Et sinon, j'ai retrouvé le titre du film dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai regardé sur mon téléphone, ça s'appelle Tampopo, voilà. Tampopo. Ouais. Et ben voilà, très bien. Donc on a parlé du folklore, on a parlé des mythes, vraiment de l'ambiance du jeu. On peut aussi parler évidemment de sa direction artistique. Alors on l'a déjà dit, hein, cette direction artistique qui est vraiment née de contraintes techniques. Alors le style que le jeu reprend s'appelle le ukiyo-e, qui veut dire assez littéralement peindre le monde flottant. Donc voilà, il y a ce côté hein, zen, observer le monde, la nature qui, voilà, qui se développe, qui existe comme ça, contempler l'existence. Et c'est vraiment ça qu'ils ont adapté. C'est un style qui est né pendant l'ère Edo. C'était une période où le Japon était vraiment, bah, ils étaient vraiment très refermés sur eux-mêmes. En fait, il y avait très peu d'échanges avec l'extérieur. Et c'est du coup ça, en tout cas c'est ce qu'on dit, que l'art japonais a pu se développer un petit peu en vase clos et finalement bah, trouver son propre style, etc., sans être forcément influencé par ce qui se passait autour dans le reste du monde. Et du coup ils ont développé notamment du coup, les estampes, qui est un style, en fait c'est compliqué à expliquer vraiment visuellement, mais c'est un peu le style classique japonais qu'on a pu beaucoup voir, et qui est un mix un peu de gravure. En fait tu vas graver sur du bois et ensuite apposer un papier dessus, et il y aura de la peinture qui est mise sur le bois, et du coup ça va donner une certaine couleur, une certaine teinte, et tu vas mettre plusieurs fois, en fait tu vas avoir différentes couleurs, du coup pour chaque différente couleur il faut une nouvelle gravure qui va montrer différents objets, et bah, c'est un art du coup assez particulier et qui a fini par s'exporter en fait, parce que c'était assez, assez spécial. Bah, le plus connu c'est Okusai, hein, la fameuse vague, la vague déferlante là, d'Okusai, c'est celle qu'on connaît tous. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que comme c'est un truc qui est fait avec du bois, en fait il y avait un tirage, on le faisait en plusieurs fois, c'est à dire qu'on faisait le bois et il y en a plusieurs. Enfin, il y en a peut-être des centaines qui ont été faites des vagues. Contrairement, par exemple, au tableau, tu vois, les tableaux de maîtres européens, il y en a un en général, tu vois. Oui, après, deux t'as grands max, mais. Mais il le fait pas en plusieurs fois. Alors que là, ça s'était distribué. Bah, c'est de l'impression. Ouais, en fait, t'as la gravure qui est peut-être. Il y en a peut-être qu'une, tu vois, gravure la vague, j'en sais rien. Mais le papier, une fois que t'as la gravure, effectivement, tu t'enchaînes les papiers, il n'y a pas de souci. Et du coup, puisqu'on est encore dans la culture, là, j'ai regardé un petit reportage sur Arte, et j'avais appris notamment que bah, justement, fin 19e, en fait, il y a les Hollandais qui vont commencer à arriver, il va commencer à avoir des échanges avec le Japon, et c'est eux qui vont ramener le fameux pigment bleu qui va faire la couleur de la vague d'Okusai, et nous, en Europe, on va commencer à avoir justement des estampes japonaises, et il y aura une vague de japonisme, voilà, en Europe, on va aimer les trucs du Japon, comme quoi, les weebs, et ben, ça date pas que des années 90, déjà, Il y a 200 ans, on aimait les trucs japonais, les petits vases. Il y a 200 vases, ans, il parlait de Suikoden 2. Voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est toujours intéressant parce qu'on a l'impression que c'est des trucs, tu vois, qui sont nouveaux, que c'est des phénomènes de mode, genre que maintenant les jeunes ils aiment le Japon, alors que pas du tout. Genre au 19e, il y avait déjà dans des classes, même les élites aristocratiques, on aimait déjà plein de trucs. Oui, bah, de toute façon, on le sait aussi qu'au début du 20e, tu vois, il y a eu beaucoup d'échanges entre le Japon et l'Allemagne, il y avait eu pas mal de choses. Enfin, quand ils ont, justement, à la fin de la Edo, c'est après leur guerre civile, ouais. Ils se sont ouverts sur le reste du monde, et ben le Japon avait une influence, tu vois, il avait une place tout de suite, donc ça veut dire que le reste du monde connaissait son existence, hein, ils sont pas apparus de nulle part. Non, bien sûr que non, mais voilà, que culturellement, il y a eu un vrai rayonnement, en fait, après de la lecture. Peut-être que Maupassant, c'était un oui, ben on sait pas. Non, mais par exemple, alors je sais pas si c'est véridique, mais en tout cas, dans le documentaire, il parlait notamment de Van Gogh, vous savez, la nuit étoilée, et les formes qu'il fait, en fait, on se dit qu'il aurait pu être influencé, justement, par la fameuse vague, parce que ça reprend un peu ce truc-là, c'est vraiment le même bleu, donc voilà, peut-être que Van Gogh, c'était un oui, voilà, il aimait les jeux japonais. Voilà, coupez-vous les oreilles chez vous, c'est ce qui reste à faire. Et pour finir sur le point Japon, moi j'ai toujours un souvenir d'enfance, c'est Chirac qui regarde les sumo-tori, les combats de sumo. Et oui, c'est vrai qu'il avait ça dans ses... Chirac, tu sais, Chirac, mais c'est un japonais. Jacques Chirac, il regardait quoi? Il regardait les combats de sumo, ouais. D'accord. Voilà, ça faisait partie des trucs sur lesquels il était connu. Merci les guignols de l'info qui nous parlaient de ça. Pas ce truc-là. Alors, on parle de peinture, on en a parlé, ça fait vraiment partie de l'esthétique du truc. Et puis, il y a ce fameux pinceau, on va revenir un petit peu sur cette feature, comment elle fonctionne. C'est assez intéressant parce que, en fait, on peut poser le jeu, mais c'est pas vraiment une pose. On peut d'ailleurs même modifier avec la caméra. En fait, on peut modifier l'angle de caméra, donc c'est pas juste claque un freeze frame. On peut vraiment quand même continuer d'interagir avec. Il déroule un parchemin. En fait, c'est ça. L'écran, un petit peu l'écran. Ouais, t'as un parchemin qui se déroule, donc l'action s'arrête. En fait, tu peux un petit peu contrôler. Et donc là, toi, avec ton stick, ton doigt, ta Wiimote, même si tu joues sur Wii, peu importe, tu vas en fait dessiner un trait. Tu vas appuyer sur un bouton pour commencer à créer un trait, comme on ferait en fait avec un pinceau. Non, mais je pensais, tu sais, un stylet pour une tablette graphique. Oui, pour les gens qui dessinent, c'est un peu la même chose. Fruit Ninja. Voilà. Et voilà. On va Fruit Ninja, Fruit le Ninja jeu. Fruit Ninja influencé par Okami, puisqu'on peut faire du coup ce fameux trait qui est la coupe en fait de base. Hein, ça va donner un coup. Ouais, de base, on va avoir le cercle qui va nous permettre, si on le fait dans le ciel, on va le faire dans le soleil. Il y a des croissants de lune. Un croissant de lune. Il y a cette espèce de petite arabesque là qui permet de faire le vent. On peut faire des bombes aussi. Si on fait un cercle avec un petit trait dessus, hop, ça y est. Oui, ça reste simple. Ou on va lier un élément, genre le feu, tu touche le feu et tu fais un trait entre le feu et ce que tu veux brûler, et voilà, ça marche. Oui, c'est vrai qu'on peut interagir comme ça, soit avec l'eau, la foudre, le feu, et tu peux relier deux éléments et amener du coup cet élément à je sais pas, un ennemi, un truc comme ça. Je me souviens du QB là, qui a une espèce de paratonnerre, et justement t'es nuages dans le ciel, et hop, tu l'électrifies. Ça fait partie des petits puzzles de Camille. Sachant que ça, techniquement, c'est pas si évident, parce que ça veut dire qu'à tout moment, il faut que le jeu il soit capable de reconnaître les différents éléments du jeu, qu'il soit capable également de reconnaître le dessin que t'es en train de faire. Ça a dû leur demander, je pense, pas mal de temps, parce que je sais qu'à l'époque sur Play 2 et même encore sur la Wii, des fois la reconnaissance n'est pas parfaite, tu vois, c'est pas un truc qui a toujours été qui est pas sans défaut, malheureusement, mais parce que justement je pense que c'est relativement complexe, parce que chacun va pas faire tout à fait le même dessin, surtout qu'au bout d'un moment, tu sais, quand tu commences à prendre des réflexes, c'est ça, t'as un côté un peu mécanique du geste que tu vas faire et tu te dis bon, j'espère que le jeu va reconnaître ce que j'avais envie de faire ou pas. Ils sont quand même forts avec ça, parce que tu vois, ils sont allés au bout du truc avec les portages et trucs, donc il est sorti sur Wii et il y avait donc la Wiimote, le motion control comme tu as déjà évoqué, mais ils ont continué, c'est-à-dire que sur PS4 t'as le petit pad tactile, tu peux dessiner avec la Switch, tu peux te servir de l'écran tactile, donc déjà il y a quand même un truc assez ergonomique et qui marche plutôt bien. Et moi, ce qui m'avait impressionné quand même pour le jeu de 2006, c'est le côté systémique en plus, parce que comme on l'a dit, il y a des éléments, il y a des états, donc brûlé, mouillé ou quoi, et quand t'as de l'eau, tu peux faire un nénuphar dessus, et si tu fais du vent, ça te pousse toi sur le nénuphar, ou t'as des ennemis, ça fait partie des petits puzzles aussi, t'as des ennemis qui sont en feu, tu fais du vent, ça les éteint. Et 2006 quoi, c'est quand même. Et puis je trouve, j'avais vraiment ce souvenir que t'as, en fait, t'as une interactivité avec le monde qui t'entoure qui est assez folle, parce que comme tu disais, on peut faire pousser des arbres en mettant juste un petit point comme ça, ou c'est un trait, je sais plus, vertical, qui pousse. C'est un petit point, tu peux faire pousser de l'herbe, tu peux. T'as des bambous, hop, tu vas pouvoir faire un trait, tu peux faire jaillir de l'eau aussi. Exactement, tu vas faire fleurir les arbres. Et je trouve qu'en fait, ça donne une. T'as l'impression que ce truc de pinceau, finalement, qui s'appose avec une autre interface, tu pourrais penser que c'est un peu séparé du jeu, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a un vrai lien qui se fait Ah, bah, entre c'est même toi central, en le fait. Jeu. Hein, c'est toute l'expérience de jeu, pour moi, elle se fait autour de ce truc-là. Et les PNJ, ils réagissent. Quand tu fais fleurer des trucs à côté d'eux, bah, ils vont un peu sautiller, ou ils vont avoir un petit cœur au-dessus d'eux s'ils aiment bien, ou d'autres trucs font un peu plus peur, ils vont être plus inquiets, tu vois. Donc, non, il y a vraiment, ouais, comme tu dis, ce lien entre toi, les actions que tu fais avec le pinceau et le monde qui t'entoure. Ouais, ça marche très très bien. Ça, c'est la feature principale, mais sinon, autour de ça, bah, finalement, c'est un jeu qui est assez classique dans son approche et qui se revendique même, hein, Camilla l'a dit, c'est du Zelda, il s'est vraiment inspiré des Zelda qu'il aimait. Et en fait, on retrouve effectivement une bonne vibe Ocarina of Time dans le Bah jeu et ouais. même enfin d'autres Zelda, Ça mais bon, va la même plaine. à des petites citations qui sont quand même, tu vois, t'as la grosse plaine du tout début du premier village où t'as ce fameux facteur qui au bout d'un moment va se mettre à courir. Enfin, tu vois, je veux dire, le facteur dans Zelda, c'est quand même un personnage récurrent. Et après, bah, t'as aussi cette structure, en fait, hein, qui va être beaucoup basée sur la progression et l'obtention de nouveaux pouvoirs qui te donnent accès à des nouveaux lieux. Le twist, c'est que ben, on ne va pas utiliser ces pouvoirs autant qu'on le ferait dans un Zelda, parce que ben, là, on va retrouver aussi des donjons, des boss, etc. Mais c'est pas autant poussé. C'est vrai que c'est plus, je trouve qu'on est plus dans Okami, dans un truc où on est un peu plus libre, on va être moins peut-être. On va peut-être moins être enfermé parce que le jeu nous force à faire Après, et ça reste quand même assez linéaire, hein, parce que oui. tu dois Ah quand oui. même respecter Non, non, mais tu sais, le c'est plus plan. sur le côté genre, ok, on va te donner un nouveau pouvoir, mais c'est pas, tu vas pas avoir cette espèce de triptyque de, tu dois utiliser trois fois le Oui, pouvoir sur cet ennemi, ensuite tu vas l'utiliser trois fois sur ouais. cette porte, puis machin. Ou Zelda, c'est très codifié, c'est voilà. T'as quand même une structure qui est Ouais, c'est beaucoup un peu plus plus light. visible. Là, ils ont repris ça dans l'esprit, mais pas forcément jusqu'au bout. Et ce qui est repris aussi, c'est que donc donc progression linéaire, mais aucun point ne t'est bloqué une fois que tu l'as passé, tu peux revenir en arrière. Il y aura Oui. quelquefois des moments où tu dois revenir en arrière, mais assez peu finalement. Et tu as des quêtes annexes. Enfin, si tu veux revenir au village du Oui, début quand tu veux, tu peux le faire. tu es libre d'explorer le monde. Bah, c'est vraiment structuré un peu à la comme Ocarina of Time. C'est vraiment, il y a un hub qui est peut-être divisé en plusieurs parties. Je crois Ouais, qu'il y a c'est plusieurs un peu plaines, plus mais allongé, je après dirais, mais ouais. qui te mènent à différents endroits. Et c'est les niveaux, c'est là où il y a les donjons, etc. Donc il y a vraiment cette même structure. Pour rester sur les trucs, bah, il y a fameux Isun, hein, qui est l'acolyte, c'est Navi, on en avait Ouais. parlé, mais c'est vraiment ce truc-là avec le héros silencieux qui est Amaterasu. Et donc Isun qui va parler à notre place et qui va gérer tous les trucs. Donc ça, c'est exactement pareil. Il y a évidemment plein de PNJ plus ou moins loufoques, tous ceux-là qui sont repris justement de différents comptes. Donc voilà, c'est comme dans Zelda, on va pouvoir récupérer des réserves de. Enfin, là, on ne gagne pas des quarts de cœur, mais là, c'est des Ah réserves oui, des petites d'encre. réserves de Ouais, peinture, ça. ouais, c'est ça, on va pouvoir augmenter notre vie, on va pouvoir augmenter les réserves de peinture qu'on va pouvoir utiliser, etc. Donc il y a des collectibles. Moi, j'étais toujours sur les PNJ parce qu'il y en a vraiment qui sont très rigolos. Donc on avait cité Susanoo tout à l'heure, mais c'est l'espèce de poivreau Ouais. avec son sabre en bois qu'on va aider régulièrement. Il y a plusieurs séquences comme ça où en fait c'est des pseudo QTE, hein, parce Ouais. qu'on le voit qu'il fait son super geste et c'est nous qui devons Qui couper coupons à derrière sa lui place, ouais. parce que bah lui, tu sais, c'est comme pour les enfants, on leur fait croire que c'est eux qui font des Ouais. trucs, mais en fait pas du tout. On a débranché sa manette en Ouais, fait. c'est ça. Eh oui, Ça tu marche joues bien super en bien. Oui, plus. le coup de débrancher la manette, c'est un bon Je trouve exemple. qu'en termes de comique, tu vois, ça marche bien parce que c'est un comique qui marche vraiment sur l'utilisation du jeu. C'est-à-dire que c'est drôle parce que c'est nous qui faisons à la Ouais. place le trait de Susanoo. Donc ils savent quand même faire de l'humour un peu plus, même si c'est assez enfantin, c'est un peu plus fin que quand ils font les gros nénés, je trouve. Ouais, bah il y a d'autres trucs, tu vois. Moi, je sais que le maître qui t'apprend les différentes Ah techniques oui, de il est trop combat, il est rigolo trop là, avec sa rigolo avec tête. son visage qui tourne et qui du coup change complètement d'expression faciale. Il est tout gentil, puis d'un coup, il est super énervé. T'as pas mal de persos un peu chelous, tu sais. Au début, t'as le papy mandarine, mamie mandarine, là, qui sont les deux petits vieux du village de base avec leur espèce de petits fruits. T'as l'impression que ça a poussé sur leur tête. Le mec des bombes aussi, l'artificier, qui est dans son. Bah, là, ça fait très Zelda, où t'as vraiment la maison. Alors, je crois que tu peux y aller que la nuit, et t'as plein d'artifices, de trucs autour de la maison, c'est allumé et tout, et faut y aller. Bah, forcément, il a une Non, mais personnalité sur un peu Cara Design, explosive. ils ont quand même fait un joli taf, tu vois. Ils sont vraiment restés dans leur style, et c'est un jeu qui a une gueule, et qui a un univers, et qui a un cast qui lui appartient vraiment totalement. Et quand t'en ressors, t'as vraiment l'impression d'avoir côtoyé bah, toutes ces personnalités, et d'être allé un peu dans ce monde-là avant de revenir Et dans le comme il y a tien. ce côté un peu léger justement qui est lié au conte avec une histoire, tu vois, qui se prend pas trop au sérieux mine de rien, bah ça marche bien en fait. Je pense que s'ils avaient eu un ton ne serait-ce qu'un peu plus grave, c'est un jeu qui serait rapidement bah tomber à l'eau entre guillemets, tu vois, ça aurait pas fonctionné. Là, il garde ce côté léger, peut-être un peu trop, hein, clairement. Mais du coup, bah, tout du long, moi je trouve qu'on était bien pris dedans, quoi. Puis évidemment, c'est des gens qui ont des problèmes, il y a des petites quêtes annexes à faire, oui, des bah, choses à il faut résoudre. Sauver des poules. Voilà, ça, c'est la règle Zelda. Faire pousser des bambous. Voilà, voler des légumes, bref. Et parfois, ça mène à des mini-jeux. Faire tourner des moulins. Et on en revient un peu à Zelda, tu peux avoir des mini-jeux. Pas que Zelda, évidemment, qui fait ça, mais un peu dans cette tradition de jeu, tu as un mini-jeu de pêche, évidemment. Et ils ont leur espèce de jeu en 2D où il faut accompagner. Attends, pour la faire très courte, il faut aider quelqu'un à descendre, en fait, tout en bas, qui va t'indiquer où faut creuser. Il y a plein de blocs à détruire, à casser, à passer. Ça passe en 2D, voilà. Comme ça, et il y a une sorte de petit jeu de puzzle, ouais. Comme ça. C'est un peu leur mini-jeu signature que tu vas avoir 3-4 fois obligatoirement. Quoi. Donc, on l'a dit, il y a une grosse sauce Zelda, mais il y a aussi la sauce Capcom. Alors, déjà, ça allège en fait certains trucs de chez Zelda, c'est-à-dire que le côté puzzle, il est quand même vraiment très, très, très, très léger. On va pas pousser des caisses. Non, on pousse pas trop de caisses. Je crois qu'il y a une fois, tu dois pousser une boule. Non, mais vraiment une boule. Donc, en plus, c'est chiant parce que évidemment. Le jeu quand même il a des mini phases on va dire de platforming, mais la gestion de la caméra, du déplacement, tu vois, c'est pas hyper précis, et là tu dois pousser une boule, donc en plus la taper, oui. Et il faut la fixer à un endroit, voilà, faut la mettre dans un socle, ouais, très classique, hein, mais c'est ça tombe, ça revient, enfin bref, c'est un moment, de toute façon voilà, une des seules fois où il y a des puzzles, c'est chiant, donc après sur les donjons, en fait on n'est pas du tout sur l'ambition du level design qu'il y avait sur les Zelda, même déjà à l'époque d'Ocarina, ou ce qu'on trouvera par la suite, il y a pas cette une idée centrale sur laquelle on va travailler, etc. On a fait un épisode sur Majora's Mask, voilà, chacun des donjons avait vraiment une mécanique, une structure particulière. Là, dans Okami, c'est pas vraiment le cas, hein. C'est ouais, plutôt on va des traversées. En fait, ça, souvent, c'est l'excuse pour nous faire visiter des lieux un peu sympas, ouais. Tu vois, je me souviens pas de tant de donjons que ça. Il y a un donjon là dans le Onsen, un moment où tu dois les aider, tu sais, avec les bains, il doit falloir refaire chauffer un feu ou je sais pas quoi. Ouais. T'as plus un petit côté un peu thématique comme ça, c'est ça. Et tu vas utiliser un petit peu ton pouvoir, mais globalement, c'est de la balade, un peu de combat. Un petit peu d'exploration parce qu'il y a des petits objets cachés, mais comme tu le dis, on va pas. Il n'y a pas d'ambition structurelle comme il y en a dans les Zelda. Parce que Zelda, c'est vraiment, enfin, pour s'y attarder 30 secondes, mais tu vois, le jeu, il est quand même un peu pensé autour en termes de progression. Oui. Ça, comme tu disais, il y a le pouvoir, le pouvoir ou l'objet, tu l'obtiens dans le donjon. Le boss, il va être battu grâce à cet objet, et le donjon, il est en deux phases. Tu as une première phase sans le pouvoir, tu fais une première expérience. Tu vas débloquer le pouvoir qui va te permettre, du coup, de débloquer les nouvelles salles du donjon et d'affronter le boss, et après, tu passes à la suite et ça te permettra de débloquer les nouvelles zones et tout. Là, Okami, tu débloques des pouvoirs, mais ils sont pas tous dans des donjons. Parfois, c'est juste des petites histoires par-ci, par-là. Il y a peut-être, j'ai peut-être 2-3 donjons de mémoire, et encore, comme tu l'as dit, ils sont pas vraiment structurés en puzzle. Même en termes de temps, tu passes pas des heures à l'intérieur. C'est pas, tu te dis, bon, là, je suis dans le temple de l'eau, le temple de la glace, machin, je vais y passer pas mal de temps. Non, c'est. Et de la même façon, les boss, c'est pas des boss justement très pattern comme ça, celle-là où tu dois utiliser deux fois l'objet, ensuite taper machin et tout. Là, tu vas pouvoir te servir tes pouvoirs, des pouvoirs du pinceau, ça va même parfois te faciliter un peu la tâche, mais globalement, et c'est là justement qu'il y a un peu plus la sauce Capcom, c'est de la baston, c'est du beat'em all en fait, vibe dans Oui, parce qu'on l'a pas dit depuis le début, mais les combats en fait, c'est souvent des, il y a des sortes de petits alors moi j'appelle ça des tentures, mais on va dire des sortes de petits drapeaux, tu sais, qui se baladent comme ça à l'air libre, et tu peux rentrer dedans pour déclencher un combat, ça crée une petite arène, etc. Et ouais, le système de combat, c'est vrai que de loin, il rappelle effectivement le côté beat'em all, parce qu'on va avoir un système de combo, un système de score, on va avoir une petite notation à la fin de chacun des affrontements des qui va nous dire la c'est notation. Des petits arbres et c'est des petits soleils super sexy style, je sais plus ouais, ce que ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas le côté SSS de DMC, mais qui va nous dire si on a mis trop de temps, si on s'est fait trop taper dessus, etc. On va pas avoir les mêmes récompenses, et du coup on va pouvoir en fait bien souvent juste bourrer les ennemis. Et on a une arme principale, on a 3 types d'armes je crois, et qu'on peut équiper soit en principal soit en secondaire, et en fonction de si tu le mets en principal ou secondaire, ça fera pas exactement le même move. Donc il y a une mini profondeur, on va dire, où tu peux faire un peu à la carte ton style de jeu. Ouais. Tu vois, moi j'ai joué vraiment double épée, et voilà, mais il y a des gens qui ont fait peut-être un bouclier, une épée, ou un bouclier, un rosaire, tu vois, des choses. J'aime bien le rosaire, c'était rigolo. Ouais. Hein. Ouais. C'est celui qui permet de faire vraiment beaucoup, beaucoup d'attaques, parce que tu as l'impression que tu électrifies les ennemis pendant quelques secondes. Je trouvais que c'était assez sympa. Pour les ennemis volants, ça les fige, je trouvais que c'était pas mal. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'école Capcom, parce que même, enfin, pas l'école Capcom, mais l'école Kamiya, parce que même tu prends Bayonetta qui sort un peu après, bah c'est pareil, tu vois, tu as différentes armes que tu peux équiper en armes secondaires et qui vont pouvoir se compléter différemment, donc c'est un peu ce même délire, même si encore une fois c'est un peu plus simplifié. Oui, bah les notes, ça vient de DMC, je crois que la notation de combat, et en plus les combats, tu là dans Okami, tu peux les esquiver, en tout cas les combats optionnels comme ça avec les parchemins qui sont dans la plaine ou dans le monde, et en fait ça crée une espèce de dôme autour de toi qui est un peu fissuré, et si tu tapes la fissure, tu peux juste te casser, donc ça c'est assez cool aussi. Et finalement, bah ça donne un jeu qui est assez simple en fait, qui est assez fluide, qui se parcourt assez assez facilement. C'est pas facile de mourir dans Okami, surtout qu'en plus, je crois qu'il y a un pouvoir voilà, qui peut te faire ressusciter si jamais, au grand malheur, tu mourrais. Finalement, et peut-être d'ailleurs on peut en parler, c'est qu'on peut peut-être lui reprocher sur la fin des boss, un enchaînement de boss rush où c'est juste long en fait, c'est pas très intéressant. De toute façon, on pense, enfin moi j'ai l'impression qu'il a quand même voulu rallonger sa durée de vie là, parce que c'est cramé. T'as vraiment ce moment où tu te dis bon bah on va affronter Orochi une première fois, ça sent le climax et tu t'attends à la fin du jeu et tu te dis mais ça fait 10 heures, ça fait même pas 10 heures que je suis dessus, c'est vraiment court. Et en fait non, le jeu il continue de s'étaler pendant très longtemps et effectivement la fin, bah tu passes ça combien, 6 7 boss d'affilée, je sais plus. Un peu plus 5 j'irais, mais je sais plus. T'as vraiment, un boss rush, c'est-à-dire qu'ils te refont, oui, ils te ressortent. Les, tous les gros boss que t'as fait. Tu refais Orochi. Bien sûr, je l'avais déjà refait. Voilà, que t'as fait pour une deuxième fois. Deuxième fois, passer la version passée ou je sais pas. Non, mais moi, je me souviens quand je vois la troisième version de Orochi, je fais les gars, qu'est-ce que c'est que ça? En plus, Orochi, c'est long parce que bon, bah c'est rigolo. Et en plus, le combat, il est pas très bien. Non, mais vraiment, là, à partir de là, moi, le jeu, je commençais à le regarder un peu de travers. J'étais là, je t'aime bien, mais là, tu pousses un peu le bouchon. Et le dernier boss, oh là là là là, c'est long. Pas toutes les versions du truc, c'est une boule. Après, il a des pieds. Après, il a des mains. Après, c'est juste une main. C'est long. En plus, c'est entrecoupé de cinématiques. Ça dure 8 plombs. Non, mais la fin de ce jeu, c'est... Dans c'est un jeu Kojima, tu sais, tu t'appellerais Patience Man. non, mais c'est pas une question de patience. C'est que justement, en fait, t'as eu l'impression d'avoir déjà eu plein de climax. Oui, bien sûr. Et tu sais que ça va finir. Et le jeu, il tire vraiment en longueur sur la fin. Et pour moi, c'est vraiment un cas d'école de vas-y, fallait que ça dure, fallait taper les 25 heures, quoi. Et je veux les Il y a peut-être de ça, mais c'est aussi un truc assez japonais, entre guillemets, de jeux jap qui ont tendance à rajouter le true last boss, le true last boss, etc. Le boss caché après les crédits si t'avais tout acheté, etc. Enfin, tu vois, de rallonger un peu plus, d'en rajouter toujours un peu plus du rab, ça fait partie de ces petits trucs-là. C'est dommage, ça gâche pas l'expérience en elle-même, parce que de toute façon, le reste du jeu, en fait, c'est plus ce côté... moi, tu vois, de ce que je me souviens, c'est plus voilà, la balade, les côtés un peu contemplation et tout. C'est un peu... ça gâche un peu la fin de l'expérience, mais si jamais vous l'avez jamais fait, ben, je pense que, tu vois, juste y passer quelques heures pour se balader, donner à manger aux animaux, c'est déjà cool, quoi. Mais de toute façon, aller jusqu'à Orochi, voilà, là, y a plutôt un bon rythme. Et encore, parce que le jeu il a quand même une structure assez particulière, parce que comme on l'a dit, il y a à peu près un tiers du jeu en gros, hein, où c'est juste dans le village au début avec Orochi, où tu vas un peu apprendre à jouer, il y a l'histoire de Susanoo du coup, voilà, Orochi avec le saké et compagnie, c'est assez long. Mais si tu veux le côté balade, du coup, il faut quand même attendre. Du coup, je dirais entre 5 et 10 heures de jeu en fonction de comment vous allez. Et là, c'est une structure qui est beaucoup plus... beaucoup plus rapide, dans le sens où tu vas faire plein de trucs en fait, vraiment toutes les heures t'as vraiment un changement de décor, de perso, de quête, de machin. Moi j'avais été vraiment très agréablement surpris. Il y a un moment du jeu où t'es rapetissé, t'as un maillet en fait qui te met à la taille un peu d'Isun. Et d'ailleurs t'iras dans son village plus tard, et du coup il y a un côté un peu chérie, j'ai rétréci les gosses, et t'as des gens qui passent, c'est des géants, donc t'as des grosses semelles qui passent devant toi, t'as quelqu'un qui passe le balai, tu pourras pas, des araignées, faut t'en servir comme plateforme et tout, et ça dure à peu près une heure. Et là j'ai été je me suis dit ah ouais, ils ont pas du tout abusé là-dessus, ils ont pas fait ça trop long, ils ont pas refait. Et même la fois où tu te refais rapetisser, ils réutilisent pas vraiment les mêmes gimmicks ou quoi, le balai tu vas le voir que une fois. Et donc t'as toute cette deuxième phase du coup du jeu, qui est le deuxième tiers, même un peu plus. Et là, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Ouais. Tu vois beaucoup plus de pays, on va dire, beaucoup plus de quêtes. Et après, t'as la fin où là, ouais, c'est un peu plus le boss rush qui est un peu catastrophique, quoi. Et Orochi, trois fois, quoi, en tout. Et donc, tout ça fait qu'en fait, c'est un jeu qui, à l'époque et même encore aujourd'hui, est assez unique, parce que son utilisation du pinceau, même si c'est vrai que, bon, voilà, on parlait de Chicory en intro, c'est des trucs qu'on va retrouver, mais on l'a pas vu tant que ça. Et surtout, des jeux qui s'inspirent autant de Zelda, il y en a pas eu des tonnes, en fait, hein, des vrais Zelda-like, entre guillemets. Il y a des choses qui vont s'en inspirer. C'est un jeu qui garde, en plus de ce. Alors, on a parlé du côté visuel, mais c'est vrai que cette ambiance, là, le côté animal, tu vois, la nature et tout, je crois que c'était toi, Max, qu'on avait parlé. T'avais fait un épisode de Game Next Door, tu sais, sur les jeux wholesome, et on retrouve ce truc là moderne entre guillemets, de jeu où tu vois, si demain on m'annonçait un jeu japonais, on joue un renard et on va faire pousser des arbres, je dirais ouais, ok, j'en ai déjà vu 40 000 comme ça. À l'époque, Okami, tu vois, c'est une espèce d'ovni au milieu de tout ça, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, il a conservé pas mal de trucs moderne, je sais pas si c'est moderne, parce que la recette Zelda, on va pas dire que c'est moderne, mais la recette Zelda, elle a tellement pas été tant exploitée par d'autres jeux que Zelda que finalement ça reste toujours assez frais. Et ouais, cette DA qui était, bah, qui est toujours incroyable. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on commence à discuter de jeux vidéo et que tu mets direction artistique dans la conversation, tu sais qu'Okami, il va pas tarder, tu vois. Il y a Cuphead, il y a Okami, voilà, c'est ces jeux-là qu'on prend en exemple pour expliquer, ok, c'est quoi une DA, comment ça se représente vraiment visuellement. Et ouais, il a vraiment un truc unique, et pourtant à l'époque quand ça sort, bah ça fait un gros four. Finalement, tous ces trucs là qui nous pourraient nous faire dire qu'aujourd'hui ça devrait marcher de ouf, bah en fait à l'époque ça a pas du tout pris quoi. Et ça pourrait être justement une explication, le fait que ça soit pas forcément la bonne époque. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on le remet vraiment dans le contexte de 2007, ça fait un an que la Xbox 360 est sortie, la Wii est déjà disponible, et il y a eu Twilight Princess où c'est Link avec un loup, qui devient un loup, qui en plus de ça, loup, ouais. Donc bon, pas de bol. Ça a dû leur faire mal. Hein. Et surtout, il y a un truc comme Gears of War qui est déjà sorti. Donc tu vois, enfin, je veux dire, on a ce côté, l'ère de la PS360, c'est vraiment l'ère de la HD, du jeu cinématique, des beaux graphismes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'ils voulaient faire au début. Le truc, c'est qu'ils voulaient aller dans cette direction-là parce que finalement, le jeu vidéo aller dans cette direction. Dans cette direction, bien sûr. Ouais. Et j'ai l'impression, je pense que à l'époque, on regardait tous vers ça. Et comme tu dis, Uncharted, Gears of War, ces trucs-là, Halo, Mass Effect, tous ces trucs. La même année, tu vois, on est vraiment sur la période de transition. On est sur la fin de la Play 2. Elle a quasiment ses meilleurs jeux. Enfin, elle a beaucoup de très bons jeux à cette période-là. Il y a FF12, il y a God of War 2, il y a Persona 4, il y a Okami, du coup, justement, qui sortent. Mais bah, ça fait déjà plus d'un an qu'il y a d'autres consoles qui sont dispo. On a changé les télés, on commence à avoir des écrans plats. Les gens, ils jouent à Wii Sport. Enfin, tu vois, il y a tout ce nouveau public qui va arriver avec la DS aussi. Enfin, c'est une période vraiment de transition, les années 2006 à 2008, c'est vraiment une période particulière de jeux vidéo, et eux, ils arrivent en plein milieu de ça, et du coup, sans un gros accompagnement marketing, parce que ça a évidemment pas joué en leur faveur. Parce que pour prendre un autre exemple, tu vois, il y a God of War 2, t'en parlais, qui lui est sorti donc en mars 2007, donc un peu la même période quasiment en Europe et aux États-Unis. Et God of War 2, il marche très très bien. Il a vendu, il a fait 4,5 millions. C'est pour l'époque sur PlayStation, c'est un bon score. C'est le 16e jeu le plus vendu de la PlayStation 2, on avait regardé. Et en fait, donc, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement la période. Et moi, je me demande sincèrement si cette DA qu'aujourd'hui on cite vraiment en exemple et tout le monde dit waouh, la DA d'Okami, en fait je sais pas si à l'époque le zeitgeist, un peu, tu vois, de la façon qu'on avait de discuter du jeu vidéo et des graphismes, si on adhérait à ce truc là je sais pas, je pense la question. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de le dire, parce que je suis quasi convaincu qu'à l'époque, tu vois, les gens dans les centrales d'achat des Micromania, des GameStop, des trucs comme ça, ils voient un jeu comme ça, ils se disent c'est un jeu pour les enfants, c'est un jeu un peu plus, tu vois, parce que la Play 2, bon, c'est un des catalogues les plus fournis de l'histoire du jeu vidéo, si, quand on compte pas les jeux des maths, parce qu'évidemment ça fausse tout, mais à l'époque il y a plus de 1200 jeux dans le catalogue. Il y a des bouses infâmes, hein. La Play 2, je veux dire, c'est les jeux d'Avilex, c'est 30 millions d'adaptations de trucs. On pouvait encore sortir justement des bouses en boîte, c'était et possible, ça se vendait, tu vois. La Wii aussi, hein, je veux dire, ils ont fait le bienvenu chez les ch'tis. PS2, oui, c'est l'époque. Vraiment, DS aussi, je pense que voilà, c'est là où t'as le qui veut gagner des millions sur DS. Les jeux du Fort Boyard sur DS, voilà, putain, des trucs horribles. C'était l'époque où je bossais en magasin, vraiment, il y avait des merdes infâmes. Mais du coup, je pense que, tu vois, c'est vraiment un jeu qui est passé un peu à la trappe, parce que justement il avait ce côté complètement décalé que les gens ont peut-être pas forcément capté, tu vois, les gens qui avaient le pouvoir de décision de dire ce jeu là il va cartonner, on va miser, parce qu'il faut bien comprendre que il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait pas YouTube, il y avait pas Twitch, donc prendre la température de la hype des gens, c'était beaucoup plus compliqué. Donc on se basait beaucoup sur les réactions des journalistes qui étaient à l'époque vraiment tout puissants, c'est ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque ils avaient un pouvoir vraiment de d'influence qui était beaucoup plus gros que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, bah il y avait des gens aussi dont le job c'était aussi de se dire bon bah qu'est-ce qu'on va mettre en magasin, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans les rayons, parce que quand tu as 36 millions de jeux qui sortent sur ta Play 2, que tu viens de virer la moitié de ton magasin pour faire un stock de Wii, un rayon Xbox 360, que tu te prépares à la sortie de la Play 3, etc., ton rayon Play 2, il tire la gueule. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en avant? Tu laisses FIFA, tu laisses GTA, tu mets Call of Duty, Medal of Honor, tu laisses, tu vois, 2-3 jeux SOCOM, tu vois, des jeux de Play 2 comme ça qui avaient vraiment cartonné à l'époque, et c'est tout, en fait. Donc c'est vrai que c'était difficile pour une nouveauté de se faire sa place dans la logique commerciale de l'époque. Visuellement et artistiquement. Après, là où tu pouvais avoir un vrai espoir, c'est qu'en 2008, ils sortent sur Wii, et là tu dis, bah c'est le moment, là, c'est la Wii, elle cartonne et tout, Camille arrive sur Wii. Et ben non plus, en fait. Et en plus, ils utilisent utilisent le motion gaming et tout pour le pinceau, mais bon, comme tu as dit, Twilight Princess, il est sorti fin 2006, je crois. Bon, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle Okami n'a pas été aimé? On ne sait pas. Un an et demi après, en fait, sur Wii, il y a déjà, ça fait déjà un an et demi qu'il y a Twilight Princess. Et encore une fois, Capcom le pousse pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette espèce de machine marketing qu'ils sont capables de mettre en place plus tard sur les Monster Hunter. Il faut savoir qu'à l'époque, Capcom sortit de Resident Evil et un peu de Devil May Cry et Street Fighter. Et encore, Street Fighter, ça s'est jamais bien vendu. Hein. N'importe quel Tekken fait mieux que tous les Street Fighter réunis. Donc vraiment, Capcom en fait a surtout beaucoup poussé marketing, d'un point de vue marketing, Resident Evil en Occident. C'est assez récent leur prise de conscience qu'il faut vraiment mettre la purée. Et aujourd'hui, tu vois, un jeu comme Okami, quand ils le ressortent, ils font ça en grande pompe, il y a des trucs, ils font des collabs dans les Monster Hunter, tu vas avoir Amaterasu dans Marvel vs Capcom, tu vas avoir le costume et tout. Depuis, le jeu a son culte en fait. A vraiment ce culte de gens qui l'ont apprécié, qui l'ont découvert à l'époque. Alors on peut parler des chiffres de vente. Le chiffre qu'on a le plus gros, c'est 3,6 millions, mais c'est toute la série Okami, donc c'est-à-dire Okami sous ses 11 versions différentes, et puis Okami Den. Qui était sorti sur DS DS. Et qui est souvent qualifié de suite spirituelle parce que c'est bon, une suite factuelle et tout, mais c'est un peu différent, c'est un peu plus petit, mais voilà. Oui, pas du tout tu joues un petit Okami, Shiba, Shiba. C'est version encore Lufto. Plus mignon comme ça. Mais du coup, c'est un jeu qui a quand même réussi à se faire un petit peu sa place avec le temps et voilà, le bouche à oreille. Et d'ailleurs, je crois que la version HD, on a checké, elle s'est plus vendue du coup que la version normale. HD, elle est quasiment à 2 millions de ventes. Voilà, c'est ça. Ce qui est du coup vraiment pas si mal avec le temps, mais voilà, ça a mis des années à se faire. Et puis, je sais pas combien il s'est vendu sur Switch, mais déjà, ça se trouve rien que sur Switch, c'est 500 000, 1 million, j'en sais rien, tu vois. Mais donc ça a mis beaucoup de temps et c'est quelque chose qu'ils pouvaient pas voir venir. Et surtout, c'est plus du tout quelque chose qui profite à l'équipe de l'époque parce on peut en parler. Clover Studio, j'ai parlé des cendres tout à l'heure. C'est Okami, le feu d'Okami va un petit peu les brûler. Ça et Godhand. Il y a eu Okami et Godhand de l'autre côté. C'est vraiment deux gros fours et finalement c'est ce qui va un peu sceller le destin de Clover et qui fait que ce studio Capcom ils vont faire ça y est, vous avez fini vos conneries mignons machin et hop, ça suffit. Et finalement ils vont tous se barrer là, Mikami, Kamiya pour fonder Platinum, et c'est vrai que Okami, ils n'auront pas pu profiter finalement de ce succès-là d'Okami. Alors on avait juste noté que Kamiya, c'était avec Ikumi Nakamura, qui est donc une des... artiste. Alors elle avait bossé sur Okami, effectivement, et elle s'est fait connaître sur scène parce que c'était la directrice artistique de Ghostwire Tokyo, et sur scène, elle a un certain charisme, elle avait fait une petite fille autrefois, bref, ça a été le vote du public, c'était pour elle. Même pendant 5 minutes. D'un coup, elle a eu toutes les faveurs du public et elle est partie avant la sortie du jeu. Elle a fait une espèce de tournée mondiale des studios. Elle avait un gros following sur Twitter et compagnie. On l'a vu chez Cory Barlog, on l'a vu chez Kojima et du coup chez Platinum, on la voit à Kamiya. Et du coup, il y a une vidéo où ils sont tous les deux. Oui, et puis il y a juste un tweet qui dit peut-être on fait un nouveau Okami. Tout le monde, ils font un nouveau Okami. Alors que pas du tout, c'est juste, ils ont dit c'est juste qu'en fait, on aime bien Okami. Ok, merci, merci les loulous. Après, connaissant Capcom et le Capcom d'aujourd'hui, ils ont les moyens et l'envie, on va dire, je pense, à mon avis, de faire ce genre de truc, tu vois, je veux dire, ils ont donné l'aval pour faire un Dragon's Dogma 2, je veux dire, tout est possible. Oui, mais parce que derrière, il a charbonné, tu vois, il a fait Devil May Cry 5, tu vois, il y a eu des trucs. Que les gens, effectivement, qui sont derrière Dragon's Dogma, ils sont toujours chez Capcom, n'est plus le cas. Je suis bien d'accord, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu, tu vois, qui a un rayonnement énorme, qui est d'ailleurs moins le culte qu'il y aurait avec un Okami, donc ils auraient, je pense, tout intérêt à faire revivre cette licence, surtout qu'aujourd'hui, clairement, il y a un public pour ça. Tu vois, le côté wholesome, zen, contemplation, etc. Aujourd'hui, le monde, il est prêt. Parce que quand tu regardes le jeu aujourd'hui et tu dis en plus, visuellement, ça n'a pas trop vieilli, tu te dis, carrément, ça pourrait. C'est dans la vibe de pas mal de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Après, faut voir quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale, c'est quand même un Zelda-like, tu vois. Donc, est-ce que ça suffirait à ce qu'on veuille? Parce que, tu vois, en termes de côté culte, moi, je peux l'opposer, parce qu'on a parlé un peu d'OVNI et tout. Bon, pas tant que ça non plus sur sa structure fondamentale par rapport à un Shadow of the Colossus qui est sorti un ou deux ans avant. Shadow of the Colossus, il a eu sur remake PS3, sur remake PS4, parce que Bah, pour le coup, il reste unique, tu vois. Okami, il a des éléments qui sont uniques, mais il en a d'autres. Bon, voilà, comme on l'a dit, c'est Zelda. Quoi. C'est plus sur l'univers, tu vois, l'approche visuelle, l'approche un petit peu philo, on va dire, du jeu. Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. Est-ce que ça veut dire que ça serait pertinent? J'en sais rien. Clairement, c'est vrai que c'est, je sais pas, j'ai pas l'idée comme ça, mais en tout cas, je serais pas choqué qu'ils se disent, bah, aujourd'hui, on peut, tu vois, surfer sur cette petite vague Okami. Les gens, ils veulent des animaux mignons, faire des gifs et des modes photos. Allez-y, feu, quoi. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que du coup, faut capturer un mood, tu vois. Ouais, c'est pas, c'est pas du, vraiment le game design, la mécanique, le machin. Alors oui, t'as le pinceau, clairement. Mais en fait, comme on l'a dit, c'est qu'en 2022, 25, j'en sais rien s'il sort. Bon, le pinceau pour faire des bombes. Est-ce qu'il faudrait pas un peu plus Je suis d'accord, tu vois, effectivement, comparé à un Shadow of the Colossus qui a vraiment un truc et qui a un marqueur, tu vois, il y avait vraiment une philosophie, un truc derrière qui a un vrai monument. Je trouve qu'Okami, il a ce côté culte, mais en termes de game design, de proposition, c'est pas un jeu, effectivement, où dis, waouh, il y a quelque idées. Chose. Voilà, vois, c'est oui, ça, oui. Ça marche bien, mais. Mais pas des choses, bon, incroyables, quoi. Oui, voilà, on dit les combats, bon, ils sont ok, mais personne dit les combats sont trop bien, ils sont incroyables. Oui, il y a des petits trucs cool, tu peux ralentir le temps, tu peux éteindre des ennemis en feu, mais c'est pas génialissime non plus. Des beat'em all, il y en a. Voilà. Pléthore, hein, c'est sûr. Bah justement, je trouve que tu vois, c'est ça par rapport finalement à un Zelda. Il lui manque des moments vraiment impressionnants où justement, quand tu rentrais dans certains donjons de Zelda, tu fais ah ouais, quand même, les mecs, ils ont ça a cogité, tu vois, pour nous sortir ça et tu vis vraiment des moments assez incroyables. Je trouve que Okami, il y a ce côté poésie, mais en termes de design et tout, justement, c'est ça qui manque, tu vois. Il n'y a pas ce truc là où je me dis waouh, ils ont vraiment des trucs. Et finalement, c'est ce qui manquera toujours à Platinum, je trouve. Ils savent faire des très bons jeux de combat, mais il manque toujours ce petit surplus qui leur fait passer vraiment. C'est ce qu'on avait dit, je crois, à l'époque de Nier Automata, c'est-à-dire que justement, tu vois, la rencontre avec l'univers d'Yoko Taro, ça leur rajoutait ce petit X-Factor qui leur manquait, qui donnait un univers et une proposition en termes d'histoire et de narration complètement top. Parce que ça, vraiment, faire des systèmes de combat et faire des jeux fun et cool à prendre en main, Platinum, moi je leur fais confiance 100% du temps, je veux dire. Et encore, tu vois, Nier Automata, parce que le monde était prêt. Il y a les réseaux sociaux, ils avaient poussé quand même le marketing un petit peu à la sortie, il y a eu du bouche à oreille et tout, donc tu vois, Nier Automata a pu exister parce que c'est sorti aussi à une autre époque. Voilà, donc un jeu qui finalement n'a pas est sorti trop tôt. Mauvais rendez-vous, tu vois, c'est des fois il y a manqué. Les étoiles qui s'alignent, là c'est clairement pas le cas en fait pour Okami. C'est dommage parce que c'est pas un jeu qui est inintéressant, et encore aujourd'hui, si vous voulez le faire, tu vois, le montrer aux gamins, alors bon, vous passez juste les dialogues un peu relous avec les mais à part ça, c'est un jeu, tu vois, tu peux faire ça, tu peux filer ça à des ados, ça se passe bien. Hein. J'ai découvert, je l'ai fait, c'était sympa. Cet ado-là, grand ado. Maxime d'une trentaine d'années, là, il s'en sort bien. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce jeu qui était de la Blacklist. Je ne l'avais pas mentionné, c'est vrai que c'est vous qui avez choisi Okami. Et bien voilà, c'est maintenant chose faite. Merci de nous soutenir sur Patreon. Merci également au PlayStation Plus. Je rappelle que si vous voulez jeter un œil au catalogue, il y a notamment Chicory, Pinceau aussi. Moi, je suis en train d'y jouer là, donc on est vraiment sur le même délire. Franchement, j'ai joué chez Corée, j'ai fait peu un enfant d'Okami, il y a un c'est petit sûr peu qu'ils y ont joué à un moment donné dans leur ils vie. Y ont joué à un moment, c'est sûr. Et puis il y a aussi Ghost of Tsushima. Et puis si vous voulez retrouver du Zelda-like un peu à l'ancienne dans les classiques, il y a les deux premiers Darksiders qui sont dispo. On se retrouve dans 2 semaines pour une aventure avec un beau gosse qui s'appelle Nathan Drake et qui fait des non comme ça. On va parler d'Uncharted 4. Uncharted 4 qui est d'ailleurs sorti sur PC. Grâce à qui? Merci fin du game de modifier le paysage vidéoludique en fonction de vos demandes. Ça, je t'avoue que j'y ai pas cru, quoi. Je vois l'annonce qui dit la collection Nathan Drake machin chose. Nous, on vient d'annoncer l'épisode. Je me suis dit, putain, c'est fou parce que on l'a fait pour ça. Enfin, je sais que régulièrement, il y a ce côté le pouvoir et tout, mais de voir qu'à chaque fois, ça fait quand même 5 saisons et ça continue de se reproduire. C'est fou. Hein. Voilà, je veux dire, grand pouvoir, grande responsabilité. Hein. Je sais plus, je crois pas que ça soit sorti, mais ça arrive là vraiment pour l'épisode. C'est le 19 octobre que d'accord, ça sort, et nous, notre épisode, il sort le 7 octobre normalement. Donc voilà, on sera un petit peu en avance sur le paysage, mais bref. Vous mettrez l'épisode de côté, comme d'habitude. Exactement. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Salut. Ciao. Adios.